Bonjour. Bonjour, vous tous qui êtes derrière. Je ne sais pas si vous m'entendez là-bas. Nous allons baisser la tête pour prier. Père, nous te sommes reconnaissants de nous avoir réunis en ce lieu, dans cette morgue de l'hôpital d'Alucam, pour ce moment merveilleux que tu places au-devant de nous, pour les uns, et pour ce moment considéré comme douloureux pour les autres. Nous prions que pour les uns et les autres, Père, tu es le Dieu qui console. Que tu consoles cette famille, qui est notre famille également à tous ici. Nous prions, Père de gloire, que tu enlèves les douleurs de cœur des uns et des autres. Et que tu nous donnes de comprendre le pourquoi nous sommes ici en ce moment. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vais lire ce matin, je vais m'adresser à l'Assemblée. Pas à notre papa qui est couché là-dedans, parce que la Bible m'interdit de lui adresser quelques paroles que ce soit, maintenant dans cette circonstance. Mais je suis obligé de m'adresser à vous en tant que serviteur du Seigneur, pour que nous comprenions le pourquoi il est ici. Lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, personne de nous ici présent n'était présent. Mais il nous a confiné son plan parfait dans ce livre que je tiens entre les mains. Malheureusement, c'est glissé entre nous et lui le venin qui nous conduit tous à cette destinée, le péché. Et la sanction qu'il a donnée comme remède pour le péché, c'était la mort. Mais il a trouvé également la solution contre cette mort, la résurrection du Seigneur Jésus. C'est donc ça qui peut nous donner espérance. Donc ici, couché, se trouve ce qu'on peut appeler maintenant désormais un mort, mais ce n'est pas la fin. C'est donc pour cela que je vais m'adresser à l'Assemblée, afin que nous nous arrangions à nous coucher de la même façon. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, la Bible déclare que si cette tente dans laquelle nous habitons est détruite, nous avons un autre encore qui nous attend. Cette tente qui n'est pas faite de main d'homme, mais l'édifice de Dieu. Et l'apôtre Paul nous dit, il est meilleur de quitter cette tente-ci et d'aller dans cette autre tente-là qui nous attend. Mais le vrai et la réalité, c'est que la rupture et la séparation créent des douleurs. Mais dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 13 et suivant, la Bible nous apprend que tous ceux qui ont mis leur espérance en Christ ne doivent pas se lamenter comme ceux du dehors. Parce que si nous croyons que Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts, croyons aussi qu'il ramènera par lui, par Jésus-Christ, d'entre les morts, tous ceux qui ont eu espérance en lui. C'est dans cette espérance et dans cette foi que le papa qui est couché dans ce cercueil devant nous, dans cette morgue, s'est couché pour se reposer. Parce qu'enfin, c'est là le chemin de tout homme. Vous et moi ici présents, il nous a laissé un testament en disant qu'il a quitté le soleil. Sous le soleil, il ne participera plus jamais. Quelle que soit la commémoration que vous allez faire maintenant, c'est pour remettre à la poussière ce qui appartient à la poussière. Mais le vrai papa qui était notre semblable, ne se trouve plus dedans. Il est auprès du Seigneur maintenant. Il n'est pas auprès du Seigneur parce que moi, en tant que prédicateur, je viens de le déclarer, mais c'est parce qu'il a rempli les conditions requises par le Seigneur dans ce manuel pour y participer. Et c'est en vertu de ça que je me tiens ici devant vous pour nous proposer également de remplir cette même condition qu'il a remplie. Je vous le dis parce que je l'ai vu avant qu'il ne se couche. On en a causé avant qu'il ne se couche. Et il s'est couché de la bonne façon qu'il puisse être. La foi en Jésus-Christ et la croyance en sa résurrection nous donne le droit de participer à ce glorieux moment qui nous attend tous. Donc chacun de nous doit se coucher un jour comme lui. C'est pour cela que j'ai dit, je ne vais pas m'adresser à lui parce que je me suis déjà adressé à lui de la bonne façon et il s'est couché devant nous aujourd'hui. Donc, je ne prononcerai pas une parole de bénédiction sur lui ou bien sur le cercueil pour faire plaisir à quiconque parce que là où il se trouve, il est meilleur que nous maintenant. Donc le problème, c'est nous qui sommes ici maintenant avec encore le souffle de vie en nous. Je dois vous dire la vérité. Qu'en prononçant des bénédictions sur lui, ou bien en versant l'huile ou bien l'eau, comment on fait davantage, ça ne change rien sur la situation. C'est la condition avant de se coucher qui a réglé son compte devant Dieu. C'est la condition avant de se coucher. Ce n'est pas ce que le prêtre dit de lui, ni ce que le pasteur dit de lui qui va arranger sa situation devant Dieu. Donc si nous nous couchons, étant pécheur, quel que soit ce que le pasteur fera ou le prêtre fera, ça ne changera pas votre situation devant Dieu, parce que devant Dieu, on ne négocie pas l'entrée. On ne paye pas l'entrée au ciel, mais on entre là-bas par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez foi dans le Seigneur Jésus-Christ, il a dit, quiconque vit pendant qu'on vit et croit en lui ne verra jamais la mort. Donc ici, c'est le passage obligatoire. Ça peut créer la douleur, mais Dieu nous a dit, l'espérance est réservée pour tous ceux-là qui ont fait de notre Seigneur Jésus-Christ l'objet de leur salut sur la terre. Le Seigneur Jésus est la voie, le chemin, la seule vérité que vous pouvez avoir sur la terre. Le rejeter, c'est après s'être couché comme ça, se retrouver plus tard dans les temps de feu. Donc aujourd'hui, nous sommes réunis ici, ce qu'on nous interroge. Si c'est vous qui avez été couché ici comme ça, que ferez-vous? Mais je suis là pour vous préparer à vous coucher de la bonne façon et ayant part à la résurrection que Christ Jésus nous a promis. Donc tous ceux qui sont ici cette matinée, si vous n'avez pas encore été réconciliés au Seigneur Jésus-Christ comme il a été, c'est le moment par excellence de le faire. En disant, comme le papa s'est réconcilié avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est le moment également pour moi de me réconcilier. Et la formule est simple. La Bible déclare dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 17 que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Il amène maintenant, il adresse maintenant sur le soleil que quiconque, qui que vous soyez, quel qu'en soit l'endroit où vous êtes, vous ayez à vous repentir parce qu'il a fixé un jour où il va juger les hommes. Et il a donné la preuve en résistant notre Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts. Nous pouvons comprendre la douleur de notre moment, la séparation. Mais la Bible déclare que le cœur connaît son propre chagrin. Donc elle va assister à ce chagrin-là, elle va pouvoir porter ça seule, mais elle va se résoudre à admettre la réalité que la Bible déclare qu'on est poussière, on retournera à la poussière. Mais quelque chose doit lui constamment revenir. Lorsque son mari était vivant, elle sait exactement comment son mari a cru, comment il a réglé sa voie devant le Seigneur. Elle doit prendre ce modèle en croyant qu'elle va retrouver son mari exactement dans les bras du Seigneur. Donc vous êtes ici ce matin pour aller l'accompagner, comme nous disons chaque fois, à sa dernière demeure. Ce n'est pas sa dernière demeure que vous accompagnez. Il est dans la demeure glorieuse. La demeure glorieuse que le Seigneur a promis à quiconque croit et attend de lui l'espérance de la résurrection. Vous pouvez l'avoir. Croyez tout simplement au Seigneur Jésus-Christ et le compte est réglé. C'est aussi simple que vous voyez le blanc et le noir et discernez cela. Donc réconciliez-vous avec le Seigneur afin que lorsqu'on se couche comme ça, qu'on se retrouve au paradis plus tard, comme il a dit à ses bandits sur la croix. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. La parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu est vivante. Sa promesse Dieu a toujours. S'il nous a permis d'être ici, c'est pour comprendre que la fin, c'est ici. S'il avait été là, écoutant maintenant, parce que j'ai causé avec lui, s'il avait été là, ce que je suis en train de vous dire, c'est ce qu'il vous dirait. Parce que depuis qu'il a découvert la vérité, il regrettait le pourquoi toute la vie de sa jeunesse, il n'avait pas compris cette vérité pour dire au monde combien le Sauveur, Jésus-Christ, notre Seigneur, est bon. S'il avait été ici, c'est ce qu'il vous dirait. C'est pour cela que je me charge comme son porte-parole pour le dire maintenant. Qu'il vous dirait, ne vous inquiétez pas pour lui, inquiétez-vous pour votre âme. Donc, alors qu'on va l'amener maintenant pour l'enterrer, ne pleurez pas, réjouissez-vous, mais examinez vos âmes pour savoir si vous êtes dans la vérité. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne de prendre les bonnes décisions comme il a pris la décision. Que Dieu vous bénisse. Amen. Non, je peux dire. On peut dire. Oui, les gens vont voir. Oui, les masters. Quand on a fait les gens, c'est ne vous inquiétez pas, d'accord? Ce qui mérite juste papa, c'est le bon endroit. Je ne pleure pas. Savourer l'amour que mon cœur. beaucoup. Et dans deux esprits s'accordent, dans un élan de tendresse, je me réjouis sans cesse. Allô, allô, allô, allô, allô. Que mon cœur contient pour bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir à tous ceux qui sont assis sur des chaises blanches, ceux qui sont debout, tous ceux qui sont dans la maison, tous ceux qui sont dans la cuisine, tous ceux qui sont à l'extérieur de cette barrière, à tous ceux et celles-là qui se battent dans la cuisine afin de faire déguster et faire donner du bon repos à tous ceux qui viennent de loin. Bonsoir à tout le monde. C'est bon. Tout mon bonheur se passe là devant ta face. Bonsoir tout le monde. Là-bas vous me suivez. Bonsoir. Bonsoir de ce côté. Bonsoir là-bas. Bonsoir de ce côté. Dans la maison, bonsoir. À la cuisine, bonsoir. Je n'entends rien à la cuisine derrière, bonsoir. Bonsoir. Vous entendez là-bas, bonsoir. Voilà, ils entendent. La joie de mon âme, tu me révèles ton plan, Seigneur, dans le conseil de ta grandeur. Au nom de toute la grande famille à laquelle vous êtes venu assister, je vous dis un bonsoir solennel. Vous tous qui êtes venus de loin, malgré vos difficultés, vous qui avez fait le déplacement de Yaoundé et de tous les autres coins du pays, tous ceux-là qui sont venus dans les quatre continents, et particulièrement ceux qui nous écoutent en direct maintenant, alors que nous sommes ici dans le groupe Les Femmes Sanctifiées sur WhatsApp, qui se trouvent en temps réel maintenant avec nous, qui vivent cet événement. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à vous autres qui êtes en train de flasher et envoyer à vos camarades qui n'ont pas pu assister ici sur WhatsApp. Bonsoir à vous tous également. Au nom de la famille, je vous dis bonsoir et nous vous accueillons ici dans cette maison familiale, pour vous souhaiter la bienvenue dans cet événement. Je suis le frère Junior de Douala au Cameroun. Je vais vous conduire pendant quelques instants dans des moments de méditation. Et nous allons participer tous ensemble à cette méditation. J'ose croire que vous allez aimer la méditation. Je vous dis encore bonsoir. Toute votre attention, s'il vous plaît. Toute votre attention, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut se tenir debout en prie pour commencer la soirée, si vous le voulez bien? Quel qu'en soit l'endroit où vous trouvez dans cette concession, veillons nous tenir debout sur nos deux pieds. Nous allons prier et commencer cette soirée, cette veillée. Que vous soyez derrière à la cuisine, qui est de l'huile au feu, laissez l'huile brûler. Que vous soyez à l'intérieur, veuillez vous lever, nous allons prier. Que Dieu vous bénisse. Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je soumets toute pensée, toute personne, leur âme et leur esprit ici dans ta présence. Et je commande à leur esprit d'écouter ta parole ce soir. Quels qu'en soient ceux qui sont en ces lieux, Père, je les soumets entre tes mains. Je soumets le cœur entre tes mains, afin que tu ouvres les yeux du cœur de quelqu'un, que tu ouvres les oreilles des yeux de quelqu'un, afin qu'il soit attentif à toi ce soir, à ce que tu as dit ce soir. Daigne bénir tous ceux qui sont venus ici et protège-les de leur retour, jusqu'à ce qu'ils arrivent dans leurs maisons respectives, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Qu'il vous bénisse alors que vous vous asseyez. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Que Dieu vous bénisse. Au milieu de nous se trouvent certainement des gens de différentes couches de la société. Il y a des chefs parmi nous. Tous ceux qui sont élevés en dignité, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Tous ceux, les enseignants, en quelques groupes de société que vous vous trouvez, chefs traditionnels, religieux ou n'importe quoi, peu importe, que Dieu vous bénisse de votre présence. Mais je veux que votre attention soit focalisée sur ce qui sera dit maintenant. Je veux donc que nous partageons quelque temps soit peu la parole du Seigneur. S'il y a des pasteurs parmi nous, des chrétiens parmi nous et quelques groupes religieux, que Dieu vous bénisse. Donc pendant ce moment, nous allons méditer sur quelques paroles de la Bible, si vous le permettez. Et vous autres qui avez des téléphones Android, vous pouvez sortir également votre Bible. Je vais chercher la Bible et je vais lire. Que Dieu vous bénisse. Pendant un bon moment, je vais lire dans la Sainte Bible, la Bible, la version Louis II. Je vais lire quelques versets et on va partager ce soir, vu que nous avons tout le temps. Et si s'y trouve quelqu'un de la foule qui a des questionnements qui pourrait poser ce soir, veuillez poser sans vous inquiéter de quoi que ce soit. Je vais lire devant vous et nous allons partager ce qui est la réflexion. Parce qu'en réalité, vous n'êtes pas venu pour enterrer quelqu'un, c'est pour entendre ce que vous allez entendre ce soir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il se pourrait que vous écoutiez ce que vous n'avez jamais écouté. Il se pourrait que vous écoutiez quelque chose qui sera la dernière de votre prédication. Il se pourrait que vous écoutiez quelque chose que vous n'auriez pas souhaité écouter, mais vous écoutiez ça cela ce soir. En quelque lieu que ce soit, que vous soyez à l'extérieur et à l'intérieur, veuillez écouter. Je vais commencer à lire dans le psaume 90. Le psaume 90, le verset 12. Le psaume 90, le verset 12. Je crois que cette Bible-ci me dérangera là. Il n'y a pas une autre. C'est... Psaume 90, le verset 12. Elle est très neuve, la Bible, donc ce n'est pas facile de trouver la page facilement là. Psaume 90, le verset 12. La Bible dit, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Je reprends encore. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Dieu nous interpelle ici que nous devons regarder à la durée de notre vie. Nous allons mesurer quelle est la durée de notre vie. Merci. Merci. La Bible déclare dans ce psaume 90, verset 12, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Donc, si nous comptons nos jours, il y a toutes les couches des âges ici. Il y a des vieux, ceux qui approchent 100 ans, les jeunes, mais tous sans exception ont une réalité. C'est que nous nous approchons vers la tombe. Toute votre attention, jeunes gens, derrière. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vais vous donner les instructions du ciel. Vous ne devez pas rater ceci. Je recommence encore. Vous n'êtes pas venu pour enterrer notre frère qui va être déposé là demain. Vous êtes venu pour écouter ce que je vais vous dire ce soir. Alors, vous avez ici devant vous la Bible et vous avez la caméra du haut là qui est braquée sur chacun de nous, de notre pensée et de notre cœur ce soir. Dans le psaume 90, verset 12, la Bible dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Et dans le Proverbe chapitre 8, verset 13, la Bible déclare que le commencement de la sagesse, c'est quoi? La crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Et ceci va nous appliquer donc à aller dans la Bible pour voir comment les gens se sont comportés, s'ils ont été sages, afin que nous ne fassions pas les mêmes erreurs que nous faisions aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons mis nos valeurs sur des standards humains, sans comprendre effectivement que la Bible nous a déjà tout mis. Il y a des scientifiques de la Bible qui ont étudié la vie, la science de la vie divine, et nous ont légué ces choses-là comme testament. Et ils nous donnent d'imiter leur voie afin d'hériter leur même héritage. Et aujourd'hui, malheureusement, nous abandonnons les Bibles et nous prenons les standards humains. Ce soir, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je suis là pour nous rappeler afin que nous placions notre confiance à ce qui est éternel. Le psalmiste dit qu'on lui apprend à compter ses jours pour qu'il voit comment il est fragile. Comptant tes jours, tu sauras que tu n'es qu'une vapeur qui paraît pour peu de temps. Et qu'à tout moment, celui qui vous a donné ce souffle peut retirer. À tout moment, sans votre avis. Des célébrités sont passées sur la terre et s'en sont endormies. Commençant par le pape, le premier Adam, Abraham et tous ceux que vous connaissez. Personne ici n'a jamais vécu sans perdre un membre de sa famille. Ça a été des chocs, mais ça devrait être un enseignement pour chacun de nous. parce que c'est le passage obligatoire pour nous tous. Mais là n'est pas le problème. Le problème c'est où est-ce que vous serez le jour du jugement, de quel côté? C'est pour cela qu'il est bien de réfléchir ce soir et de méditer ce soir afin de faire le bon choix. Dans Ecclésiaste au chapitre 7, dans les 4 premiers versets, la Bible déclare que le cœur des sages est dans la maison du deuil. L'homme qui est vivant prend garde à ces choses-là, prend la chose à cœur. Donc nous venons dans la maison du deuil pour prendre des enseignements, pour être sage, afin de savoir comment notre jour, nos jours à nous, est fragile. Par suite des accidents, on perd la vie. Des gens vont se laver, ils tombent, ils perdent la vie. Sauf le souffle qui nous entretient, le souffle de vie du Seigneur, s'est retiré et nous périssons. L'Ecclésiaste dit, même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Alors nous prenons des temps pour soigner notre chair. Nous nous habillons, nous donnons des soins à notre chair. Quelque chose qui va périr et pourrir et dont les asticots mangeront 3 jours après notre enterrement. On devrait se poser la question. Quelles sont nos valeurs? Pourquoi tant de peine pour ce qui va périr? Le Seigneur a dit, dans la poussière, de la poussière tu as été tiré et de la poussière tu iras te reposer. Alors méditons ce soir. Il dit, applique, enseigne-nous à compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Mes chers frères, mes chères sœurs, ce soir, je veux nous amener à une autre dimension afin que nous sachions ceci. C'est que qui que tu sois ici maintenant, que ce soit vous qui m'écoutez en direct dans les femmes sanctifiées, vous êtes fragile et votre jour n'est qu'un peu nombreux, comme dit la Bible. Quelle que soit notre difficulté et notre résistance à la maladie, nous aurons le triomphe final de la mort. La Bible déclare qu'il n'y a pas de, victoire, il n'y a pas de force contre cela. Les médecins ont tout fait. Vous pouvez boire, pour les femmes, injecter des choses sur votre visage pour chasser les rides. Ce n'est que partie remise. Ces mêmes substances vont vous créer des problèmes, les cancers dans la peau. Alors, le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans Luc au chapitre 12, à partir du verset 15, il nous donne l'histoire d'un riche dont le champ avait produit beaucoup cette année-là. Celui-là a cassé beaucoup de ses greniers et en construit beaucoup d'autres. Et il a dit à son âme, « Mon âme, tu as de la nourriture en réserve. Mange et réjouis-toi pour le reste. » La Bible déclare, cette même nuit, Dieu a dit « insensé ». Dieu l'a appelé « insensé ». Cette nuit même, son âme lui a été demandée, il est décédé, sans avoir eu à goûter à un de ses produits qu'il a récolté et dont il a épargné. Jésus dit, tel est l'homme, tel est l'exemple de l'homme qui amasse les biens pour lui-même et non pas pour Dieu. Le roi David, dans le livre Psaume chapitre 139, verset 14 et suivant, regarde son corps dans un miroir et il rend grâce à Dieu de ce qu'il a créé, une créature si merveilleuse. Et il dit, lorsqu'il était qu'une masse informe, ses yeux le voyaient. Et tous les jours de sa vie étaient tout inscrits sur son livre avant qu'aucun d'eux n'existât. Alors Dieu nous dit ce soir qu'il faut que chacun de nous réfléchisse par rapport à la longueur et la durée de sa vie sur cette terre. Comme celui dont nous sommes venus rendre hommage et l'accompagner à sa dernière demeure, comme nous savons le dire, nous tous, nous avons un tour et un rendez-vous. Chacun de nous. Jeunes gens, vous qui êtes derrière, vous êtes plus exposés. Jeunes gens, vous qui êtes derrière, vous êtes plus exposés. La Bible déclare que la durée maximale de nos jours, c'est 80 ans pour les plus vigoureux. Nos jours passent comme de l'ombre. Ce soir, encore une fois de plus, vous qui m'écoutez, derrière, devant, derrière là, les jeunes gens, je vais nous appliquer nos cœurs à la réflexion ce soir. Dieu te dit ce soir, la durée de ta vie n'est pas grande et longue. Vous devez vous appliquer plutôt à la sagesse. Et c'est quoi la sagesse? C'est de craindre Dieu en réalité. Et comme je l'ai dit, Proverbe chapitre 8, verset 13 dit, le commencement de la sagesse. Si vous dites que vous êtes sage, ce n'est pas que vous trouvez une équation mathématique. Non. Ce n'est pas que vous découvriez des inventions pour aider les humains sur la terre. Non. C'est que vous craignez Dieu. Ce soir, je suis là pour catapulter votre esprit devant son trône afin que vous sachiez ce que c'est que cette crainte-là. La Bible déclare que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Vous êtes ici, vous vivez dans le mal. Quelle que soit la nomination, la dénomination que vous pouvez donner à cela, vous êtes sous le coup du jugement. Vous êtes sous le coup du jugement. Vous m'écoutez ce soir, vous êtes un adultère, un menteur, un idolâtre. Vous mourrez comme ça, vous terminerez votre séjour dans la Géhenne. Et ce soir, l'opportunité vous est donnée. La main vous est tendue pour vous réconcilier au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi il est venu. Voilà pourquoi il m'a envoyé ce soir pour vous en dire cela. Vous qui êtes derrière, vous qui êtes sortis, vous qui êtes hors de la barrière, je vous le dis encore, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la Bible nous déclare que nous comptons comment notre vie est fragile et qu'on se réconcilie à la sagesse de Dieu. Qu'on applique notre cœur à la compréhension, à la recherche de la sagesse, à ce que Dieu veut. Dans les prochaines minutes, je vais lire 4 chapitres d'un seul et même livre. Je vais lire le livre d'Ecclésiaste, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4. Vous tous qui êtes à la maison, que Dieu vous bénisse. Vous tous qui êtes assis, que Dieu vous bénisse pendant ces moments. Et souvenez-vous, j'ai dit, vous pouvez m'appeler et poser les questions si vous ne comprenez pas. Père, je prie au Dieu que s'il y a du poisson ce soir, tu puisses mettre dans ton caquois. S'il y a des gros poissons ce soir, tu puisses les attraper pour qu'on puisse briser dans le royaume. Je vais lire Ecclésiaste au chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, puis chapitre 4. Que Dieu vous bénisse. Appliquons notre cœur à la sagesse. Vous êtes assis ici ce soir, je suis heureux de me tenir devant vous et devant les caméras du ciel. Aussi vrai que vous me regardez, que vous me voyez avec vos yeux, les caméras du ciel me voient. Je suis heureux de vous dire que si vous êtes ici, vous invoquez un autre Dieu en dehors du Dieu de la Bible, quelle qu'en soit la nomination que vous pouvez lui donner, quelle qu'en soit la dénomination que vous pouvez lui donner, vous servez un démon. Si vous ne servez pas le grand Dieu des cieux, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, vous avez tout faux. Il a réconcilié le monde avec lui-même par le sang de sa croix. Et depuis ce moment, il a déclaré, il n'y a pas d'accès auprès du Père en dehors de lui. Vous devrez être réconcilié à Dieu par l'évangile. C'est pourquoi je suis là ce soir. Ecclésiaste chapitre 1. Vous qui venez d'arriver, que Dieu vous bénisse alors que vous vous asseyez. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités. Dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qui se donne sous le soleil? Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qui se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend le même circuit. Tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Toutes choses sont en travail. Au-delà de ce qu'on peut dire, l'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui se fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise, voici ceci est, c'est nouveau, c'est une chose. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenirs chez ceux qui vivront plus tard. Verset 12. Moi, l'Ecclésiaste, mes chers, vous ferez mieux d'écouter là. Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil et voici, tout est vanité. Et poursuite du vent. Ce qui est courbé ne peut être redressé et ce qui manque ne peut être compté. J'ai dit à mon cœur, voici, j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem. Et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. J'ai appliqué mon cœur à la connaissance de la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science, augmente sa douleur. Dans le premier chapitre d'Ecclésiaste, le roi Salomon, rempli de la sagesse que le Seigneur lui a accordée, a fait la recherche par rapport à tout ce qui se fait sous le soleil. Il a conclu que même si vous essayez de fréquenter pour avoir le doctorat, vous vous cherchez des problèmes. Parce que tout est vanité. En réalité, le roi Salomon veut nous dire exactement ce à quoi Dieu a soumis tous les hommes sur la terre. Sous le soleil, dit dans le chapitre 3, tout a un temps. Il y a un temps pour semer, un temps pour moissonner, un temps pour naître, un temps pour grandir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour naître, un temps pour vivre, un temps pour mourir. Donc chacun devrait se préparer. Vous m'écoutez maintenant, vous êtes dans un temps. Et la Bible déclare qu'au milieu même du riz, le cœur peut se transformer en chagrin. Écoutez ce soir cette voix. Dieu veut que nous fassions le bon choix, que nous comprenions qu'il y a un cycle qu'il a préétabli. Un cycle dans lequel nous tous nous nous retrouvons. Nous ne pouvons pas esquiver l'air ni le soleil. Nous ne pouvons pas esquiver ce circuit que Dieu le Père a lui-même établi. Ce circuit nous pousse ce soir à réfléchir et à comprendre que tout ce que nous faisons sur la terre n'est que vanité. Alors on doit se poser les bonnes questions ce soir. Qu'est-ce que nous sommes censés faire sur cette terre au juste? La première chose que nous allons remarquer, c'est que vous êtes venus sur la terre non de votre propre gré. Ce n'est ni votre père, ni votre mère, encore moins vos grands frères, vos grands-pères qui ont décidé de vous faire naître. Dans Jérémie chapitre 1, versets 5 à 10, le Seigneur dit à Jérémie qu'avant que je ne t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Alors, pourquoi êtes-vous sur terre? Pourquoi sommes-nous sur terre? La Bible déclare que tout ce que nous faisons sur le soleil n'est que vanité. Dans la suite de cette lecture, le roi Salomon va dire que tout ce qu'il a construit à Jérusalem, Dieu lui a donné la sagesse. Et souvenez-vous, pour ceux qui lisent la Bible, Dieu lui avait demandé de demander n'importe quoi qu'il voudra, il lui sera accordé. Il a demandé la sagesse à Dieu. Et Dieu lui a dit, comme tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, ni la gloire et la richesse, en plus de la sagesse que tu as demandé pour diriger le peuple, je te donnerai également de l'argent et une grande gloire au point où personne ne sera des vivants avec comme toi. Et avec cette sagesse, il est entré dans les profondeurs des énigmes de Dieu pour rechercher ce que nous cherchons aujourd'hui. Et en fait, il a donné les résultats de sa recherche et confiné cela dans la Bible afin que nous appliquions les formules de sa recherche. Il a conclu cette formule-là par une grande découverte, vanité des vanités, tout n'est que vanité. Il a couché avec beaucoup de femmes. La Bible cite 1000 femmes qu'il avait. C'est pour dire que vous, jeune homme qui êtes là aujourd'hui, qui cherchez des femmes, vous avez Gaël, vous regardez que c'est Gladys qui est belle. Vous tournez, vous voyez Chantal. Vous allez voir Vanessa. Vous allez voir toutes les femmes sont belles. Tournez, vous voyez. Elles sont toutes belles. Vous ne devez pas les avoir toutes pour vous. Salomon a déjà fait le test avec 1000 femmes. Et au sorti de son ministère terrestre, il a dit qu'il a choisi parmi les 1000 femmes, il n'a même pas trouvé la femme qu'il cherchait. Donc parmi les 1000 femmes, il n'a pas trouvé la vraie femme que Dieu voulait pour lui. Et par conséquent, il a dit, celui qui trouve donc cette femme-là, c'est un don qu'il obtient de Dieu. Alors vous qui m'écoutez ce soir, que vous soyez une femme, souvenez-vous que ce n'est pas vos rouges à lèvres, ni votre beauté physique qui caractérise que vous soyez une femme, d'après Dieu. Dieu cherche plus que cela. La Bible parle de la femme vertueuse. La Bible dit, la femme qui craint le Seigneur, dans le livre de Proverbes chapitre 31, verset 10, c'est celle qui sera louée. Donc, la beauté n'est pas caractérisée par votre forme à la guitare, ni vos yeux à la revolver. Cela, ça tue, comme dit les musiciens mondains. Mais Dieu, lui, cherche les femmes vertueuses. Salomon, donc, a fait dans ce test-là, il a fait cette étude sur la féminité. Il a conclu que ça vaut la peine de vivre à l'angle d'un toit qu'avec une femme querelleuse dans une maison dont les femmes sont dangereuses. Et il a conclu dans une autre formule de découverte féministe, il a conclu que ça vaut la peine pour lui de mourir que d'avoir une femme. Que faites attention pour les femmes qui ont des yeux revolvers. C'est ce que Salomon dit dans la Bible. Que si vous voyez une femme qui met le rouge à lèvres sur les yeux, c'est une bombe à défragmentation. C'est ce qu'il a découvert. Donc si vous courez, la Bible déclare que ceux-là qui vivent dans le péché et dont les désirs pernicieux tomberont dans les filets de cette femme. C'est que j'en ai dit, c'est écrit dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 7, le verset 26 à 29. La Bible déclare que Salomon, à la conclusion de sa recherche, il a dit, voici ce que mon cœur recherche encore que je n'ai point trouvé. J'ai trouvé un homme parmi mille, mais parmi toutes les femmes, je n'en ai pas trouvé une seule. Il dit qu'il a trouvé plus amer que la mort. La femme dont le cœur est un piège et un filet, et la main, c'est un piège. Tous ceux qui sont des pécheurs, ils y tombent, mais tous ceux qui craignent le Seigneur, lui échappent. Donc, les femmes ont des développements de bombes dans leur cœur lorsqu'elles vous regardent avec les rouges à lèvres. Alors ce soir, je suis là pour vous dire que nous devons méditer ce soir afin de savoir compter nos jours. C'est pour ça que le Seigneur m'a envoyé devant vous. Quand j'aurai terminé ma mission, je serai parti. Ça sera entre vous, lui, et le jour du jugement. Nous ne sommes pas venus ce soir, peut-être vous pouvez le penser, pour enterrer le papa qui est ici, qui est mon frère. Et Dieu voulant, demain, je vais vous dire exactement ce qui s'est passé par rapport à lui, sous la permission de sa femme, si elle le permet. Très souvent, nous venons au deuil, on attend qu'on écrive sur les flyers de deuil, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Le Seigneur a appelé à lui, que la terre de nos ancêtres vous soit légère. Vous devez remplir les conditions pour que votre âme repose en paix. Ces conditions sont requises sur la terre, pas après la mort. Peut-être cette prédication n'est pas conventionnelle, n'est pas classique. Mais je dois vous dire la vérité. N'attendez pas le jour de votre mort et laissez de l'argent en banque pour qu'on appelle les prêtres pour qu'ils vous versent de l'eau sur votre corps. Ça ne vous servira à rien. Vous vous retrouverez dans le feu à coup sûr. Si vous mourrez devant moi alors que vous vous tenez là maintenant, vous êtes prostituée. Dragueuse des maris d'autrui, dragueuse des femmes d'autrui, vous mourrez, vous serez en enfer. Que vous l'admettez ou non, vous êtes ici, vous êtes travaillé, vous volez de l'argent de l'État, l'argent de votre entreprise, vous mourrez, vous serez voleur devant le Seigneur. Vous êtes ici, vous vivez dans quelque péché que ce soit. Vous pensez qu'à l'église dimanche, vous allez aller donner les dîmes et les offrandes, on va expier votre péché. Non. La Bible déclare qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Le jugement sera conforme à la volonté de Dieu, pas à votre pasteur ni votre standard. C'est pour cela que je suis là ce soir pour vous dire du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et vous tous qui m'écoutez en direct sur internet maintenant, vous tous maintenant que vous devez vous repentir. Parce que nous tous nous passons par là. Ne me voyez pas comme je porte le blanc, vous pensez que je suis sorti du ciel comme un ange. Non, je suis né dans le péché tout comme vous. Mais la grâce du Seigneur Jésus-Christ est arrivée jusqu'à moi. Et il m'a établi prédicateur de ce que je suis en train de vous dire. Et il m'a envoyé dans cette maison-ci pour que cet homme-là que vous allez aller enterrer puisse venir à lui dans le paradis. Et il y est. Avec certitude, plus sûr que la vérité, que mon réel ici, il y est. Et ce soir, vous pouvez régler votre compte avec Dieu. Jeune fille, vous vous trouvez ici, vous vivez dans le petit améthysme. Vous êtes fichu si vous ne vous réglez pas maintenant. Jeune homme, vous vous trouvez ici. Vous êtes venu ici avec vos copines pour venir pleurer. Vous ferez mieux de pleurer pour vous-même. Dans le livre de Luc, chapitre 24, verset 23, alors que le Seigneur entrait dans Jérusalem, il portait sa croix. La croix était tellement lourde. Les gens ne savaient pas que cette croix qu'il portait, c'était pour nous sauver. Les femmes ont commencé à pleurer sur lui. « Oh Seigneur, nous avons pitié de toi. » Il a dit, « Femme de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-même. » Jésus a dit, « Pleurez sur vous-même. » Car des jours arrivent où on va lever contre vous des tranchées. Alors lorsque vous venez ici, vous venez pleurer cet homme-là, lui, son cas est déjà réglé devant Dieu. Son livre sera ouvert ces jours-là. Il a achevé sa course sur la terre. Et comme le livre d'Ecclésiaste le dit au chapitre 12, lorsque le fil est coupé et que les jeunes filles courent les rues, les ondées des pleureuses courent les rues pour crier à la mort, lorsque le fil de son cordon est coupé et que les pleurs parcourent les chanteuses, ce sera la fin de sa vie sur la terre et que l'esprit retourne à Dieu. Donc vous qui êtes sur la terre, Le corps qui sera enterré vous interroge. Si c'est votre tour, êtes-vous prêt à entrer où il va entrer? Jeune homme, réjouis-toi selon le temps que tu as sur la terre. Bois le harki avec le fighter. Mais la Bible déclare, souviens-toi que tout cela que tu fais, Dieu t'appellera en jugement. Et tu rendras compte de tout ce que tu auras fait sous le soleil, soit en bien, soit en mal. Dans le livre de Luc au chapitre 13, le verset 3, 4 et 5, les disciples sont venus se plaindre au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth en lui disant, « Avez-vous vu, Seigneur, le fait que Hérode a mélangé le sang des sacrifices avec les Juifs venus de Judée? Les Juifs qui étaient venus donner les sacrifices étaient déjà morts. » Les disciples venaient se plaindre devant le Seigneur Jésus que Hérode a fait mélanger le sang des sacrifices avec ceux qui venaient donner le sacrifice. Jésus a dit, « Vous pensez qu'ils étaient plus péchés que tous les Galiléens qui n'ont pas péri? Je vous le dis, vous qui êtes vivants, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. » C'est pour dire, lorsque quelqu'un est couché inerte, son cas est réglé. Quel qu'en soit ce que vous pouvez faire, portez la veste climatisée. Les trois prochains jours, ce sera pour les asticots. Les plus puissants de la terre, Pharaon qui a résisté au grand Moïse, sont morts. Les oesophages se trouvent dans les musées aujourd'hui. On parle d'eux au passé. Mais il y a un qui a vaincu la mort, on l'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est vivant pour l'éternité. Et là, si on se confie en lui, on est sûr d'être sauvé instantanément, pas plus tard, instantanément. Et ce soit au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, alors que cette voix parcourt vos cœurs, quelle que soit l'iniquité dans laquelle vous vivez, Dieu vous appelle à la repentance, un changement radical de votre façon de vivre. C'est ça que Dieu nous a dit dans ce psaume 90, verset 12. Seigneur, enseigne-nous à compter nos jours afin que nous nous appliquions à la sagesse. Vous êtes fragile. Un de vos philosophes a dit que l'enfant qui naît est assez vieux pour mourir. Ça veut dire que la mort frappe à tout âge. C'est une femme qui n'a pas de respect pour aucune personne. Il frappe les dirigeants. Tu as le doctorat, il déchire avec ton doctorat. Tu es président de la République, il te mange avec ta femme. Tu es dans l'avion, il frappe ton avion. Je parle de la mort. Il ne respecte personne sur la terre. Vous avez vu quelqu'un que la mort a fui? Même le fou, soit même le chat, quand la voiture vous cogne, elle prend seulement. Donc c'est un être qu'il ne faut pas blaguer. Maintenant, la triste réalité, c'est que vous et moi, nous n'avons pas pouvoir sur elle. Mais nous avons pouvoir pour contourner cela. Parce que nous avons un souverain qui a vaincu la mort. Dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 15, versets 28 et 29, la Bible déclare que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Lorsque sera accomplie la parole des prophéties, dont toutes les années seront soumises entre les mains du Seigneur et qu'il aura soumis toutes choses à son Dieu, celui qui est Dieu et Père. Alors s'accomplira cette parole de l'Écriture, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Vous êtes ici ce soir, peut-être le prochain sur la liste des appelés à partir de la terre sera vous. Peut-être c'est moi, la probabilité c'est 100% sans erreur. Peut-être c'est vous, peut-être c'est moi qui me tiens devant vous. Mais au moins moi, je sais exactement où je partirai. Vous ne partirez pas au ciel parce que vous avez été à l'église le 25 décembre. Parce que vous avez aidé à construire l'église. Ça n'a rien à voir. La Bible déclare que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. C'est gratuit et ce soir, vous pouvez être sauvés. Et si vous êtes ici ce soir, vous étiez membre des églises. Membre de Korah et votre vie n'était pas droite devant le Seigneur. Je vous en conjure au nom du Seigneur Jésus-Christ. Redressez vos vies devant le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il viendra chercher une église sans tache ni ride, ni rien de semblable. Il ne vient pas enlever les membres d'une chorale. Si on porte le blanc blanc et que le cœur est noir, on n'entrera pas. Ce n'est pas la tâche extérieure. Dans Apocalypse chapitre 19, le verset 6 à 8, la Bible déclare, réjouissez-vous cieux et vous tous qui habitez dans le ciel, car les noces de l'agneau, les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir de fin lin éclatant pur. Ce fin lin éclatant pur, ce sont les œuvres justes des saints. Vous pouvez vous réconcilier à Dieu, mes chers amis. Vous pouvez vous réconcilier à Dieu. Vous êtes ici, vous êtes sorcier ou sorcière. Je vous en conjure au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, vous êtes sous le coup de Satan. Même que vous ne le fassiez pas publiquement, je suis derrière. On peut vous en délivrer même maintenant. Je vais encore reprendre ça pour que vous compreniez. Si quelqu'un se trouve ici, vous volez la nuit. Vous avez un autre esprit en vous, autre que l'esprit de Dieu. Je vous en conjure. Ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous pouvez être délivré. Si vous êtes entré dans la sorcellerie, je vous en conjure. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous pouvez être délivré et avoir la vie éternelle. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Vous pouvez être ici, vous pouvez être là, un papa ou une maman. Vous avez vécu dans la sorcellerie pour longtemps, dans les confréries de sorcellerie. Je vous lance le défi maintenant de challenger le nom du Seigneur Jésus. De challenger ce nom puissant, ce nom glorieux. Jésus-Christ vous aime. Jésus-Christ vous aime et il vous veut à la repentance. Le Seigneur Jésus-Christ est allé à la croix. Son sang a coulé pour vous racheter. Si vous entendez sa voix aujourd'hui, la Bible dit n'anticipe pas vos cœurs. Si vous êtes trouvé par mégarde dans la fornication, repentez-vous ce soir. Il connaît votre cœur. Il discerne les pensées des cœurs. Je ne vous appellerai jamais ici devant de venir vous confesser. Non. Je vais attirer votre attention à appliquer votre cœur dans la sagesse. Mes chers amis, vous qui m'écoutez derrière, vous qui m'écoutez devant, je vous ai dit depuis le début qu'il m'a envoyé vers vous afin que vous sachiez que votre vie est fragile. Regardez 10 ans en arrière. Prenez votre photo 10 ans en arrière. Vous les femmes particulièrement, regardez les rides à laquelle vous, contre lesquelles vous avez commencé à lutter. Vous allez voir effectivement que vous n'avez pas de force contre la vieillesse. C'est un signe que la terre vous appelle à retourner où vous y êtes sorti. Alors, de quelle manière serez-vous devant le Seigneur après votre sortie? Souvenez-vous, vous n'êtes pas venu par vous-même sur la terre. Vous n'avez pas choisi votre famille. Vous n'avez pas choisi votre couleur, votre ethnie. Dieu vous a choisi. Lorsque vous êtes devenu conscient et consciente, il a envoyé les prédicateurs sur la terre pour vous mettre sur la bonne voie afin que vous retourniez de la bonne façon à la maison comme ce papa-ci est retourné de la bonne façon à la maison. Salomon a étudié tous les domaines que vous avez aujourd'hui. La recherche scientifique féminine, tous les domaines de l'argent. Il a conclu que tout est vanité. Il a construit à Jérusalem des monastères, des grands édifices et puis il s'est fâché par la fin. Il a dit, qui me dit qu'après ma mort, celui qui va hériter pourra gérer comme moi. Mais il n'a pas le pouvoir, il sait qu'il va quitter la scène. Et la preuve, quand il est mort, le temple a été détruit par suite des désobéissances de son peuple. Il avait raison donc de s'inquiéter. Donc, quelle que soit votre richesse, quel que soit votre pouvoir, vous ne pouvez pas défier la mort. Il y a un que je connais qui a défié la mort et qui est sorti victorieux. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, quiconque vit et croit en moi ne verra jamais la mort. Ce soir, j'attire votre saine intelligence à être fixé sur les choses les meilleures. Ces choses les meilleures, ce sont les choses éternelles. Demain, quand ce corps sera sorti de la mort, certains lanceront la bouche pour pleurer. Je vous en conjure, si ce papa pouvait se lever, il vous dira, ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vous-même. Parce que j'ai causé avec lui. Et j'ai vu ce qu'il en est. Et je l'ai accompagné. Vous qui êtes là ce soir, ça peut être votre tour. Ça peut être votre tour ce soir. Vous qui m'écoutez derrière la maison, dans la maison. Jésus-Christ de Nazareth en conjure. Si tu es jeune fille ce soir, et que tu guettes le mari de quelqu'un, tu es adultère. Tu dois abandonner cela. Tu es jeune garçon ce soir en ce lieu. Un homme marié qui ne fait que guetter chez le voisin. C'est de la prostitution et de l'adultère. Tu dois abandonner cette voie. La Bible déclare dans Apocalypse chapitre 21, le verset 8, il dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les enchanteurs, les adultères et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Vous pouvez changer le cours de votre destinée ce soir. En appliquant votre cœur à la sagesse et en faisant le bon choix. Si vous êtes aveugle ce soir, plus plus, la puissance du Saint-Esprit vous touche afin que vous voyez la direction du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si votre cœur était verrouillé ce soir, je prie qu'il applique le baume du Saint-Esprit sur votre cœur afin que vous soyez attentifs comme Lydie dans Actes chapitre 16. Je vous en conjure au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth de redresser vos vies. Parce que à 100% sûr, vous pouvez sortir d'ici et aller mourir comme le corps que nous allons mettre dans la poussière. Je vous en conjure ce soir. Salomon nous a dit que tout est vanité. Une fois de plus, pour ceux qui et celles qui viennent d'arriver, je suis le frère Junior par sa grâce. Je suis prédicateur de la saine doctrine pour vous amener dans le saint royaume où on y entre gratuitement, sans rien payer, sans les offrandes et les dîmes et les enveloppes. Il suffit de croire. Il suffit de croire. Salomon a dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Votre téléphone Android, Salomon a fini de jouer sur WhatsApp. Il a dit que ça fatigue même, ça perd le temps pour rien. Il a envoyé le message à 1000 de ses femmes pour essayer de parler avec elles. Aucune des femmes ne pouvait répondre aux bonnes questions de la femme vertueuse qu'il a voulu. Il a conclu que même le WhatsApp est vanité. Vous m'écoutez ce soir, le Seigneur Jésus-Christ est venu effectivement. Il a versé son sang pour vous et moi. J'ai déjà fait mon choix. J'ai la vie éternelle. Et vous, que faites-vous? Le papa qui est parti a la vie éternelle. En fait, il n'est même plus bien que vous et moi. Il nous a laissé le relais maintenant. À nous de voir. Êtes-vous prêt à suivre ses traces? Si le Seigneur s'est présenté ce soir pour faire entrer les gens dans son royaume, pensez-vous que vous y entrez? Vous y entrez véritablement? Vous êtes ici ce soir, vous êtes pasteur, mais vous vivez dans le faux. Dieu vous appelle à la repentance. Dieu vous appelle à la repentance. Vous êtes ici, vous avez attaché les gens sur votre cœur en disant que pour telle personne, je ne pardonnerai jamais. Sachez que depuis le jour où vous avez dit cela, Dieu ne vous pardonnera jamais. C'est vous qui récitez chaque fois dans vos formules alors que vous récitez en bâillant. Vous dites pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Malgré que vous dites comme ça, vous avez des gens sur le cœur que vous n'avez pas pardonné. Peut-être votre mari vous a déjà trompé plusieurs fois et vous avez gonflé le cœur comme le tapioca contre lui. Vos cœurs doivent être détachés ou bien ça va se sécher dans le séjour des morts. Vous devez pardonner. Le premier principe pour venir au Seigneur Jésus-Christ, c'est cela. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Le Seigneur Jésus-Christ est à la croix pour vous et moi, alors que nous étions tous dans la désobéissance. Il nous a fait grâce. Il nous a fait dispense de nos péchés et de nos iniquités. Dans le psaume 103, le verset 3 et 4, la Bible déclare que c'est lui qui pardonne nos iniquités et qui guérit toutes nos maladies. C'est le Christ Jésus, notre Seigneur. Alors ce soir, faites le bon choix. Faites le bon choix, jeune homme. Faites le bon choix, jeune femme. Vous qui vivez dans l'iniquité, avec des messages pornographiques, c'est de l'iniquité. Vous qui vivez dans l'iniquité, dans l'homosexualité, le lesbianisme, vous êtes ici ce soir, c'est de l'iniquité. Au nom de Jésus-Christ, vous devez vous repentir. Si on vous a commandé d'envoyer le feu, c'est une fausse prière. Vous devez vous repentir. Dieu ne nous a pas demandé de cracher le feu, nous ne sommes pas des dragons. Le Seigneur vous aime et vous amène à la repentance. On n'envoie pas le feu sur les ennemis. Il a dit priez pour vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Je vous en conjure au nom de Jésus-Christ de Nazareth, si vous êtes homosexuel, lesbien, masturbateur, pornographique, habitué aux boîtes de nuit, vous pouvez vous repentir ce soir. Vous devez vous repentir ce soir. Vous devez vous repentir ce soir. Jésus-Christ, notre Seigneur, vous appelle à la repentance. Il a dit dans Ecclésiaste chapitre 7 que le cœur des sages est dans la maison du deuil. Vous avez fait le premier pas à la sagesse, vous êtes venu dans la maison du deuil. La Bible déclare que tous ceux qui sont vivants prennent garde de ces choses-là parce que c'est le chemin de tout homme. Vous devez réfléchir, c'est pourquoi vous êtes là. La question qui vous est posée, c'est si c'est vous qui avez été couché comme ça, que vous donnerez comme compte rendu au Dieu qui vous a créé de votre passage sur la terre. Vous êtes ici, vous êtes policiers, militaires, gendarmes, vous extorquez, vous prenez de la corruption, il vous faut la repentance. Vous êtes ici, vous êtes chef traditionnel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quand les gens dorment dans la nuit, vous êtes dans les hauts lieux, il vous faut la repentance. Vous êtes ici, vous êtes sorcier, vous volez avec les enfants, vous mangez dans d'autres sauces, vous mangez du sang. Je vous commande de vous repentir ce soir, sinon cette voix tiendra contre vous dans les cieux. Vous êtes ici, vous prosternez devant des idoles appelées Marie et Jésus. Il vous faut la repentance, vous outragez Dieu par votre désobéissance. J'attends toujours comme ça. Vous êtes ici, vous êtes des fornicateurs. Vous priez autre personne que le Dieu des cieux. Vous invoquez Marie, c'est un démon que vous servez. Il vous faut la repentance. La Bible déclare qu'il n'y a de salut à aucun autre. Car il n'y a sous le ciel, parmi les hommes, aucun autre nom qui était donné par lequel nous devons être sauvés. Jésus de Nazareth est le sauveur de tous ceux qui s'approchent à lui avec humilité de cœur et simplicité de vie. C'est gratuit. Un événement se prépare sur la terre, chers amis. La Bible déclare qu'il y a un impie qui va se lever sur la terre et va pousser toute la terre à l'adorer. La Bible l'appelle l'Antichrist, l'homme impie. Si vous êtes inscrit sur le livre de ceux qui vont l'adorer, vous l'adorerez assurément. Si vous êtes là ce soir, vous jouez avec votre vie. La Bible déclare que l'enlèvement, le Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. En ces jours-là, les événements vont s'arrêter pour se mettre sur le jour, le seul et vrai jour que Dieu a décidé de sa propre autorité. Arrangez-vous devant le Dieu des cieux ce soir. Vous qui m'écoutez maintenant depuis la cuisine, vos yeux et vos cœurs maintenant pointés ici, je vous en conjure de vous repentir et de servir le Dieu vivant et vrai. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Sauveur, celui qui est venu, il est mort à la croix pour nous, pour vous et pour moi, m'envoie ce soir pour nous dire que depuis le psaume 90, verset 12, qu'il nous enseigne à compter bien notre jour, nos jours, afin que nous voyons comment nous sommes fragiles. Il y a de cela 10 ans, vous étiez jeune fille, vous étiez jeune homme, vous avez la vigueur des buffles, mais maintenant vous êtes vaincu par le poids de la vieillesse. Ça devait vous poser la question. À tout moment, des courbatures peuvent vous arriver. À tout moment, c'est les AVC. La question c'est, si ça vous arrête ce soir, au sorti d'ici, 2 jours après, 3 jours après, êtes-vous prêt à rencontrer le Dieu du ciel comme Amos chapitre 4, verset 12, la partie C le dit. Êtes-vous prêt, chers amis, à rencontrer le Seigneur de tout, le Seigneur Dieu Tout-Puissant? Vous allez rendre compte de tous les jours que vous avez passé sous le soleil. Vous allez rendre compte, nous allons rendre compte de tout ce que nous aurons dit, de tout ce que nous aurons pensé, de tout ce que nous aurons fait, soit en bien, soit en mal. Pensez-y. Pensez-y. Pensez-y que d'autres ont hérité cette terre-ci avant nous. Ils sont passés. Nous sommes les survivants maintenant. Demain, nous passerons. Nous gravitons autour de ce même soleil avec notre terre. Mais la Bible déclare qu'il y a une chose que vous ne devez pas oublier, c'est qu'un jour est devant le Seigneur comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme devant lui comme un jour. Il ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses comme certains le disent. Mais il use de patience avec chacun de vous, ne voudrant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Repentons-nous ce soir. Alors que vous vous asseyez dehors dans votre véhicule, derrière mangeant, ce soir en me regardant, vous connaissez vos mauvaises actions. Une femme adultère avait été amenée devant le Seigneur Jésus-Christ. On voulait la lapider. Jésus a dit que personne parmi vous, celui qui n'a pas péché, jette la première pierre. Il ne s'est pas attelé sur son péché, mais il lui a accordé le pardon. Il a dit, va et ne pêche plus, de peur que ça ne t'arrive rien de pire. Dans vos cœurs ce soir, vous pouvez entrer en intimité avec lui, en lui disant, Seigneur, je veux ranger ma voix devant de toi, aide-moi à te suivre. Il le fera, comme il a fait pour moi ce jour-là en 2005. Il le fera assurément pour vous. Il transformera votre vie sans dessous, sans dessous. Et vous saurez que ce que c'est que la vie de sainteté. La vie de sainteté dans un monde corrompu et perverti. Jésus-Christ vous aime, chers amis. Notre Seigneur Jésus-Christ vous aime. Notre Seigneur Jésus-Christ vous aime. Pensez-y. Pensez-y à votre vigueur maintenant. N'attendez pas dans un lit d'hôpital pour essayer de prendre une Bible et mettre sous l'oreiller. Pensez-y alors que vous avez toute votre faculté pour aller droit devant lui et dire, Seigneur, je me repens de mes mauvaises actions. Pensez-y alors que vous avez la vigueur maintenant. Pensez-y que des gens ont voyagé dans les avions et ne sont jamais arrivés à destination. Dans les voitures, dans les WhatsApp, vous distribuez ces accidents chaque jour. Ça devait vous interpeller. Car tous les jours, nous sommes censés appeler à rentrer dans la terre d'où nous sommes tirés. Mais là n'est pas la question. La question c'est, si vous vous présentez devant Dieu après votre mort, que lui donnerez-vous comme votre compte rendu sur la terre, de votre passage sur la terre? Il va vous compter parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui ont bâti des records pour draguer des femmes, parmi les grands voleurs de budget de l'État, parmi les plus grands menteurs de la terre. Où est-ce que vous vous classerez? Parmi les grandes femmes qui bombent leurs seins pour séduire les hommes, c'est là où vous vous classerez? Dieu vous appelle à la repentance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous tous femmes, vous toutes femmes, je m'adresse à vous particulièrement parce que Salomon a dit, je continue la recherche sur vous. Vous êtes ici ce soir, vous avez exposé et vos derrière et vos devants pour détruire les pensées de tous ceux-là donc qui veulent venir à Jésus. Je vous en conjure, vous vivez dans le péché. Le ventre, le dos et le quoi dehors doivent entrer dedans. Ça doit être dedans, pas dehors. Jésus vous aime. Répentez-vous. Répentez-vous. Répentez-vous. Jeune homme, répentez-vous. Si tu es avec une fille qui n'est pas ta femme, vous allez au lit, c'est le péché. C'est le péché, vous dis-je. Tu dois te repentir. Et toi, jeune femme, qui le suis comme un mouton, sache que ta beauté est une fonction décroissante du temps. Quand il t'aura appuyé comme l'orage, il va te lâcher. Répentez-vous. Répentez-vous. Femme, toi qui m'écoutes maintenant, tu es l'orange. Après t'avoir sucé, il va acheter un autre. Chapitre 2 d'Ecclésiaste. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime, je suis obligé de vous dire la vérité. Je suis obligé de vous dire la vérité parce que Dieu a dit, je vous conduis dans la sagesse. Il a dit la sagesse, cette sagesse-là, c'est la crainte de son nom. Et la crainte de l'Éternel, dont la Bible appelle cela la haine du mal. Vous devez haïr tout ce qui est péché. Si vous aimez le péché, sachez sûr et bien sûr que si vous mourrez, la géhenne vous attend. Le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu chapitre 10, le verset 28, que ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et qui ne peuvent rien faire à l'âme. Craignez plutôt celui qui peut tuer et le corps et faire périr l'âme dans la géhenne. C'est celui donc que vous devez craindre. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je vous en conjure ce soir, qui que vous soyez, la Bible déclare devant Dieu, il n'y a exception de personne. Il a confronté des rois. Il leur a dit la vérité. Il a confronté des pauvres. Il leur a dit la vérité. Parce que c'est la vérité qui doit vous affranchir. Je recommence encore. Jeune homme, vous êtes ici ce soir, vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas droit au rapport sexuel. Jeune femme, vous êtes ici maintenant. Vous calculez les hommes mariés véhiculés. Vous êtes une adultéresse à la lumière de Jézabel. Vous devez vous repentir. Vous devez vous repentir et suivre la voie de la vérité. Vous devez changer de vie parce que Jésus vous appelle à la repentance. Vous êtes ici ce soir, vous mélangez du whisky, vous buvez jusqu'à vous saouler. Jésus vous appelle à la repentance. Il a dit la maison du deuil, c'est pour la sagesse. J'ai dit à mon cœur, chapitre 2 d'Ecclésiaste, j'ai dit à mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là une vanité. J'ai dit du rire insensé et de la joie, à quoi sert-elle? J'ai résolu en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je visse ce qui est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux pendant le nombre des jours de leur vie. J'exécutais de grands ouvrages. Je me bâtis des maisons. Je me plantais des vignes. Je me fis des jardins et des vergers. Et j'y plantais des arbres à fruits de toute espèce. Je me créais des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres. J'achetais des serviteurs et des servantes et j'eus leurs enfants nés dans la maison. Je possédais des troupeaux, des bœufs et des brebis plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Je m'amassais de l'argent et de l'or et les richesses des rois et des provinces. Je me procurais des chanteurs et des chanteuses et les délices des fils de l'homme. Des femmes en grand nombre, je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je les en ai point privé. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail. Puis, et c'est là la part qui m'en était revenue. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise. Et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité. Et poursuite du vent. Et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Alors j'ai tourné mes regards vers la sagesse et vers la sottise et la folie. Car que fera l'homme qui succédera au roi? Ce qu'on a déjà fait. Et j'ai vu que la sagesse a de l'avantage. Vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Le sage a ses yeux à la tête et l'insensé marche dans les ténèbres. Mais j'ai reconnu aussi qu'ils ont l'un et l'autre un même sort. J'ai reconnu que le sage et l'insensé ont un même sort. Et j'ai dit à mon cœur que c'est encore là une vanité. Salomon nous dit ici que vous soyez belle, que vous soyez beau, que vous soyez riche, quel qu'en soit ce que vous pouvez expérimenter sur la terre, il les a expérimentés avant vous. Et il a compris que tout est vanité. Et c'est là ce dont vous mourrez. Des personnes sont surprises en flagrant délit, tenant les têtes des hommes sur la terre entre les mains qu'ils ont coupées pour aller faire des rituels pour avoir de l'argent. De l'argent, celui-ci en avait en agogo. De l'or, il les avait en agogo. Ce derrière quoi nous courons aujourd'hui. Et il a posé la question, quand il va mourir, qui va hériter de toutes ces choses? Nous avons eu beaucoup de personnes sur la terre qui ont eu de grands héritages. Quand ils sont décédés, les enfants ont dilapidé. Ils ne sont plus là pour discuter par rapport à leur héritage. Et c'est même par grâce même qu'on lui donne 2 mètres de place là-bas sur la terre. Alors Dieu nous appelle à la repentance. Que nous réclamions ce soir la souveraineté de Dieu dans nos vies, afin de savoir que tout sous le soleil est vanité. Vous êtes avec moi sur le canapé là-bas? Jeunes gens, vous êtes avec moi? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous êtes avec moi? Ici, vous m'écoutez? Derrière moi, vous m'écoutez de ce côté? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Écoutez-moi, jeune homme. La Bible déclare que réjouis-toi pendant le jour de ta jeunesse. Réjouis-toi très bien même. Vous avez compris? Mais la Bible avertit que sache qu'il y a des jours de ténèbres qui sont devant toi. Dieu vous attend. Il y a les ténèbres qui vous attendent devant. Il y a des pièges devant. La Bible déclare pour qui les hard, pour qui les hélas, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui se tiennent devant le vin et devant les liqueurs fortes. Jeune homme, le Seigneur Jésus vous convie à la repentance ce soir. Vous tous qui m'écoutez, vous n'êtes pas assez vieux pour vous repentir. vous n'êtes pas assez vieux pour vous repentir. Vous qui êtes encore vieux avec les cheveux blancs, vous êtes encore davantage interpellé parce que votre sortie peut être glorieuse. Votre sortie peut être glorieuse ce soir devant le Seigneur. Si vous avez 90 ans dans le péché, en un seul clin d'œil, le Seigneur Jésus-Christ met vos iniquités sous ses pieds dans la mer de l'oubli. Car le sang du Seigneur Jésus-Christ se trouve encore devant le propitiatoire maintenant pour intercéder pour tous ceux qui s'approchent à lui de tout le cœur. La Bible déclare dans 2 Chroniques chapitre 16, le verset 9, que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre pour chercher tout ce dont le cœur est tout entier à lui. Ses yeux sont sur nous ce soir. Ses yeux s'inclinent sur nous ce soir pour chercher tout ce dont le cœur a horreur de la vanité des péchés de cette terre. Alors si vous êtes là ce soir, si vous êtes celui-là ou celle-là à qui cette voix s'adresse, Dieu vous invite à la repentance. Dieu vous invite à la repentance. Chapitre 3 d'Ecclésiaste. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître. Un temps pour mourir. Un temps pour planter. Et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire, un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour faire la guerre et un temps pour faire la paix. Un temps pour faire la guerre et un temps pour faire la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? Quel avantage? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Et même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin, j'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour ceux qui pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie, mais que si un homme mange et boit, se réjouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. Et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Ce qui est a déjà été. Et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Oui. Merci. J'ai encore vu sous le soleil qu'au lieu établi pour juger, il y a de la méchanceté. Et qu'au lieu établi pour la justice, il y a de la méchanceté. J'ai dit à mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant. Car il y a là un temps pour toute chose et pour toute œuvre. J'ai dit à mon cœur, au sujet des fils de l'homme, que Dieu les éprouverait et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que des bêtes. Le roi Salomon nous dit au chapitre 3 d'Ecclésiaste que là où vous trouvez maintenant, vous êtes dans un temps de votre vie dans le plan de Dieu. Soit vous êtes en train de rire, soit vous êtes en train de pleurer. De toutes les façons, vous êtes déjà né. Mais il y a un temps qu'il a dit, il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour juger. Il y aura un temps pour récolter ce que vous avez semé sur la terre. Alors mes chers amis, vous qui m'écoutez ce soir, Si le Seigneur Jésus-Christ vous appelle ce soir à lui, comme il a appelé son serviteur, quel compte rendu vous donnerez-vous? Derrière à la cuisine, dehors dans le parking, dans le véhicule, vous tous qui m'écoutez ce soir, si le Seigneur vous appelle ce soir à lui, êtes-vous prêt vraiment à lui donner le compte rendu exact de votre vie sur la terre? Vous pouvez vous repentir ce soir. Jeune homme, ne sors pas d'ici aujourd'hui avec cette jeune fille sans vous repentir. Même si elle a payé ton transport. Le père, toi qui dragues les femmes de quelqu'un, ne le fais plus ce soir, ça doit cesser. Le Dieu du ciel a les regards sur vous. Repentez-vous. Repentez-vous. Repentez-vous. Bonsoir. Conseil de ta grandeur, Seigneur, je te dis merci, ton amour en moi déborde, et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Ton amour en moi déborde, et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci, et dans ton sang. Ta majesté, je vis mon vrai bonheur dans ton intimité. La sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité. Seigneur, je te dis merci. Ici dans un lieu de deuil, c'est vrai que lorsqu'on regarde aujourd'hui dans la société, le monde a réussi à transformer les maisons de deuil en maisons de fête. Et ceci empêche quelque part à la pensée de Dieu de s'accomplir. Pourquoi? Parce que Dieu a voulu que les maisons de Dieu de deuil soient des maisons de méditation. Aujourd'hui, nous pleurons notre papa qui est parti. Et ceci devrait servir de lieu de méditation pour chaque personne qui, quelque part, souffre dans son cœur à la pensée de voir cet homme qui a été auprès des uns et des autres, accomplissant des œuvres et autres. La pensée de ne plus voir cet homme devrait amener chaque personne à méditer pour ce qui est de son sort personnellement, lorsque lui-même viendrait à partir de cette terre. Nous voulons rendre grâce à Dieu, c'est pourquoi nous voulons prendre le cantique numéro 1, pour ceux qui ont leur cantique, mais c'est un cantique bien connu. Dieu a voulu que la mort existe. Nous voulons rendre gloire à Dieu. Grand Dieu, nous te bénissons. Grand Dieu, nous te bénissons. Je vous prie de bien vouloir vous lever, s'il vous plaît. C'est par honneur au Seigneur qui a voulu que ce soit ainsi. Je vous supplie, levez-vous pendant que nous rendons gloire au Seigneur. Mais si quelqu'un n'est pas à l'aise, ne se sent pas bien, il peut librement être assis. Ce n'est pas une obligation, mais c'est tout simplement une prière par honneur au Seigneur qui nous rassemble ici en ce lieu et c'est toujours pour sa gloire. Grand Dieu, nous te bénissons. Grand Dieu, nous te bénissons. Nous célébrons tes louanges éternelles. Nous t'exaltons de concert avec les anges et prosternés devant toi. Les saints et les bienheureux, les saints et les bienheureux, les trônes et les puissances, toutes les vertus des cieux, disent tes magnifiques. Se proclamant dans leur concert, le grand Dieu de l'univers, proclamant dans leur concert, le grand Dieu de Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Le Seigneur Dieu des armées, son pouvoir est immortel. Ses œuvres partout ton peuple, Seigneur. Sauve ton peuple, Seigneur, et bénis ton héritage, que ta gloire et ta splendeur soient à jamais sans partage. Je conduis-le par ton amour jusqu'au céleste séjour. Conduis-le par ton amour jusqu'au céleste séjour. Gloire soit au Saint-Esprit. Gloire. Reçois au Saint-Esprit. Gloire. Reçois à Dieu le Père. Gloire. Reçois à Jésus-Christ. Notre Sauveur. Notre frère, son immense charité dure à perpétuité, son immense Vous pouvez vous asseoir, bien-aimé. Et je voudrais que dans un esprit de méditation, nous puissions chanter dans le cantique, toujours de chant de victoire, le numéro 245 qui dit « Mon Dieu, plus près de toi ». Les cœurs sont en souffrance. Les cœurs gémissent en ce moment. Les uns et les autres se posent de multiples questions. Quand sera-t-il demain? Quand sera-t-il de la famille? Quand sera-t-il de ceci ou de cela? Mais notre assurance est auprès du Seigneur. Pendant que la souffrance fait son œuvre en silence, que notre cœur sache se remettre au Seigneur, qui est la seule personne qui pourrait nous consoler et nous donner la grâce d'aller dans la victoire, qui pourrait nous donner la réponse à toutes les questions qui pourraient être en train de se poser en ce moment dans le cœur des uns et des autres. Que notre cœur s'abandonne au Seigneur, qui seul peut consoler et donner solution à quelque problème que ce soit. C'est pourquoi dans un esprit de méditation et de consécration au Seigneur, nous allons chanter le numéro 245 qui dit « Mon Dieu, plus près de toi ». Mon Dieu, plus près de toi. 1, 2, 3 et chant. Mon Dieu, plus près de toi. Plus près de toi. C'est le mot de ma foi. Plus près de toi. Ton ciel ouvert. toi plus près de toi. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous passez ces moments en ces lieux. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Les femmes de la sous-section peuvent venir. Nikandal and Ambim. Mniana. Maman so. Anye mbole chande. Oye ande alipa. Anye mbole ni oli mambo. Wani ki maman so. Eche binga. L'union, l'union, l'union. lignole, lignole, lignole, lignole. Jésus a besoin de la qualité. Il n'a pas besoin de la quantité. Si tu veux aller au royaume des cieux, il faut avoir de bonnes qualités. Jésus a besoin de la qualité. Il n'a pas besoin. Tu veux aller au royaume des cieux, il faut avoir de bonnes qualités. Si tu as la paix, c'est la qualité. Si tu es amour, c'est la qualité. Si tu veux aller au royaume des cieux, il faut avoir de bonnes qualités. Jésus a besoin de la qualité. Il n'a pas besoin de la quantité. Si tu veux aller au royaume des cieux, il faut avoir bonne à la fin de mon voyage, je serai couronné. Je serai couronné. Je serai couronné à la fin de mon voyage. Je serai couronné dans la cité de Dieu. À la fin de mon voyage, je serai couronné. Oui, je serai couronné. Oui, je serai couronné à la fin de mon voyage. Je serai couronné dans la cité de Dieu. Quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur. À la fin de mon voyage, je serai couronné. Oui, je serai couronné. Oui, je serai couronné à la fin de mon voyage. Je serai couronné dans la cité de Dieu. Quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur. À la fin de mon voyage, je serai couronné, je serai couronné, oui, je serai couronné à la fin de mon voyage. Nous sommes sur le point d'écouter la parole de Dieu. Et comme je le disais tout à l'heure, ce lieu est un lieu de méditation. Et pour introduire l'homme de Dieu qui va nous entretenir tout à l'heure, nous allons chanter le cantique numéro 86 qui dit « Venez au Sauveur qui vous aime ». Nous allons prendre juste les deux premiers couplets. Venez au Sauveur qui vous aime. 1, 2, 3 et chant. Venez au Sauveur qui vous aime. Venez, il a brisé vos fers. Il veut vous recevoir lui-même. Ses bras vous sont ouverts. Aucun bonjour. Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Venez pécheur, il vous appelle. Le bonheur est dans son amour. Adonnez-lui ce cœur rebelle. Donnez-le sans retour. Oh, quel beau jour. Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Nous allons finir le troisième couplet. Parce que le temps ne nous appartient pas. Le temps s'enfuit. Qui sait? Hier, c'était notre papa. Qui sait? C'est pourquoi nous allons prendre le troisième couplet qui dit le temps s'enfuit et l'heure s'écoule. Le temps s'enfuit, l'heure s'écoule. Qui sait si nous vivons demain. Jésus est ici dans la foule. A saisissé sa main. Oh, quel beau jour. Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te rendre grâce pour le privilège que tu nous donnes de nous retrouver en ces lieux. Seigneur, tu as voulu que ce soit ainsi. Nous voulons, ô Dieu de grâce, davantage recommander à ta grâce tous les moments que nous passons ici, tous les moments que nous allons davantage passer en ces lieux, venus les uns et les autres, pour comme membres de famille, comme amis, comme frères, pour soutenir cette famille qui est éprouvée. Seigneur, nous voulons, ô Dieu de grâce, nous recommander à ton trône de grâce afin que ton esprit présent au milieu de nous en ce moment, Seigneur, agisse comme un esprit de consolation pour consoler les cœurs brisés en ce moment, pour fortifier ceux-là qui sont abattus, Seigneur, pour relever ceux-là qui sont faibles, ô Dieu. Et Seigneur, que tu viennes pendant que nous méditons, Seigneur, te révéler aux uns et aux autres pendant que ta parole sortira. Seigneur, accomplis tes œuvres dans la vie de ton peuple ici rassemblé. Que nous partions de ces lieux, chacun ayant reçu un plus, étant encouragé, étant fortifié dans la foi, étant consolé, Seigneur, par ton esprit. Merci, Seigneur, parce que tu es ici en ce moment. Et merci, Seigneur, parce que tu vas rendre ministère dans les cœurs, au nom de Jésus. Amen. délices que je ressens, tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme court de larmes, ils traduisent mes silences. Comment tes délices que je ressens, tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme court de larmes, ils traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant les potiers, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me repens. Je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Nous nous repentons au devant de toi avec ce peuple. Tu connais chacune des vies ici. Tu connais les difficultés dont nous faisons face chaque personne ici. Tu connais nos déboires. Tu connais nos manquements, nos faiblesses. Tu connais des choses qui nous tiennent captives. Mais tu es un Dieu miséricordieux. Tu es le Dieu qui pardonne les iniquités, qui ne garde pas sa colère à toujours. Mais tu es le Dieu qui ne tiendra pas le coupable pour innocent. Tu es le Dieu juste, redoutable, saint dans ta conduite, riche en bonté et en miséricorde pour tous ceux qui t'invoquent. Avec ce peuple aujourd'hui, Seigneur, nous voulons méditer dans ta parole selon ce que tu as destiné pour nous cette matinée. Alors que tu as permis que cet événement-ci arrive afin de nous pousser à la méditation profonde, je prie, Père, que tu aies un regard de miséricorde dans chaque vie maintenant qui entend cette voix. Je prie, Père, que tu nous donnes l'esprit de repentance afin que nos vies soient des parfums de bonne odeur pour toi, que nos vies soient agréables pour toi, afin comme ce cantique-là a été chanté ici, que nous ayons la qualité, pas la quantité. Afin qu'à la fin de notre parcours terrestre, comme la fin de notre frère et notre père ici couché, que nous soyons couronnés comme l'apôtre Paul l'avait exprimé. Que cette couronne sera destinée non seulement à lui seul, mais à tous ceux qui auront aimé l'avènement de notre Seigneur, notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom seul soit élevé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tout le monde. que le Dieu qui vous a conduit ici à la fin de cette cérémonie vous ramène à bon port jusqu'à votre domicile. Qu'il vous bénisse. Dans un moment, un court moment, pour le moment je ne serai pas longue, je vais lire deux passages de la Bible et j'aimerais que nous y méditons ensemble, si vous le voulez bien. Je vais lire dans le livre de Romains au chapitre 8, puis dans le livre des Révélations, dans le livre d'Apocalypse. Dans Romains au chapitre 8, à partir du verset 18, la Bible dit, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle sera sauvée et nettoyée et avoir part à la gloire des fils de Dieu. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous attendons l'adoption. Aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toutes choses concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée selon qu'il est écrit? C'est à cause de ces choses, à cause de toi, qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. La Bible nous enseigne ici que Dieu a soumis toute la création à la vanité. Et nous tous ici, nous en faisons partie. Nous sommes la principale attraction de la création. Nous sommes son chef-d'œuvre. Mais nous sommes soumis à la vanité. La Bible explique que toute la création soupire jusqu'à ces jours en souffrant les douleurs de l'enfantement. Parce qu'elle espère qu'elle va participer à la gloire qui sera révélée pour nous les fils de Dieu. Mais il y a un mais. Pas tous, en tant que créatures, naissent fils. Ces fils sont conditionnés par l'esprit d'adoption. L'esprit par lequel nous crions Abba, Père. Si nous sommes dans cette dimension avec le Seigneur Jésus-Christ, les deux derniers passages que nous avons lus dans Romains chapitre 8 dit « Rien ne peut plus jamais nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus. Donc si vous êtes ici et vous n'avez pas eu la réconciliation par le Seigneur Jésus-Christ, on doit périr avec toutes les autres créations dans la géhenne. Mais la grâce a été manifestée à la croix par la mort du Seigneur Jésus-Christ, afin que tous ceux qui le reconnaîtront comme Seigneur et Sauveur remettront l'objet de leur adoration. Tous ceux-là qui mettront leur foi en l'espérance de la croix. C'est pour cela que la Bible appelle ça une folie. Parce que c'est tellement compliqué. La solution humaine ne pourra pas donner quoi que ce soit devant Dieu. Dieu a rendu la chose au bas niveau afin qu'on ne puisse pas acheter avec de l'argent. On ne puisse pas corrompre la voie. Que ça puisse être accessible à tout le monde. Ça dépend de vous. Vous pouvez décider d'aller là où vous voulez maintenant. Parce que le salut est prêché. Et tous ceux qui l'acceptent entrent dans le salut. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Mais Lucifer, son ami pour toujours, a créé des religions pour mettre en lieu et place de la foi. Les gens se confient dans des religions, dans beaucoup de choses compliquées, croyant trouver la voie pour aller au ciel. Mais Jésus dit, c'est lui le chemin. Il n'a pas dit qu'il est un chemin. Il dit c'est lui le chemin. Il est la vérité. C'est sans équivoque. Dans des religions à mystère, on peut vous dire que ce ne sont que des voies différentes pour arriver à Jésus. Mais ce sont des mensonges du diable. Jésus est la révélation de la vérité. Le chemin pourvu à l'homme que nous sommes pour quitter la vanité et retourner au Père d'où nous sommes issus. Alors, quiconque place en lui sa confiance ne sera point confus. Comme le papa, notre frère, a mis sa confiance. Il m'avait confié un jour qu'il est entré dans beaucoup de milieux pour chercher la vérité. Mais le jour où il a entendu la voix du grand berger Jésus-Christ, il a embrassé, il est tombé littéralement amoureux de Jésus. Et il a embrassé jusqu'à se coucher. Cela m'introduit dans mon deuxième verset, le deuxième passage aujourd'hui. Dans le livre d'Apocalypse au chapitre 14, le verset 13. La Bible déclare, écrit, et j'entendis la voix du ciel qui dit, écrit. Ça dit, écrit. Donc, c'est écrit, c'est confiné ici. Heureux dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. Car ils se reposent de leurs œuvres. Les œuvres les suivent. Toute personne qui meurt, ce que nous appelons mort maintenant, comme maintenant, parce qu'il est inerte, la Bible appelle cela repos. Mais vous ne devrez et vous ne pouvez pas vous reposer sans faire la ligne de séparation entre vous et ce monde-ci en faisant alliance avec le sang du sacrifice de la croix. Ce n'est pas possible. Si vous mourrez maintenant sans avoir la paix que Christ donne, si on verse tout l'eau du Vatican sur vous, tous les pasteurs avec les robes et les toges viennent prier pour vous, ça ne changera pas votre condition. Jésus, notre Seigneur, a dit dans Matthieu chapitre 11, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il a dit, « Portez mon joug parce qu'il est léger. » Jésus-Christ est celui qui donne le repos à l'âme. Nous, dans nos standards humains, nous cherchons à satisfaire quelque chose dont on ne pourra jamais satisfaire. D'autres voyagent, vont aux États-Unis, souhaitent aller aux États-Unis pour voir la Maison Blanche. Pendant ce temps, les gens sont dans la Maison Blanche, souhaiteraient sortir. Vous quittez le Cameroun pour aller à Washington pendant que d'autres veulent venir à Limbé et à Kribi. Vous marchez dans ces Kribi, vous voulez aller à Manhattan. D'autres sont à Manhattan, ils voudraient aller à Manille, aux Philippines. Qu'est-ce qui ne va pas? La convoitise se trouve en nous. Et nous cherchons par tous nos moyens à vous la satisfaire. Vous allez à Washington, vous ne porterez pas Washington pour rentrer. Vous allez voir, vous allez vous fatiguer. D'autres aiment le coucher du soleil. D'autres aiment le jardin. Vous vous asseyez là-bas, tout ce que vous pouvez faire, c'est observer. En réalité, il y a quelque chose en vous qui cherche, que vous cherchez, dont vous êtes ignorant. Vous cherchez la satisfaction, cette paix avec le Christ. C'est ça en réalité. D'autres se confient dans les cigarettes. Vous allez fumer tout le paquet. Vous allez encore recommencer. Vous ne serez pas satisfait. Vous allez boire toute la bière de la brasserie. Enfin, elles seront toujours là pour vous satisfaire. Ça ne finira pas. Vous allez boire tous les whisky, Wilson Blanc et tous les autres modèles. Vous allez dire, c'est ce qui est bien. Quand vous aurez bu, votre âme cherchera toujours la solution. C'est votre âme le véritable problème. Et ce n'est que le Seigneur Jésus qui a le pouvoir de donner du repos à votre âme. Vous allez dire que c'est Angèle qui est belle. Vous voyez Sidonie, elle est plus belle qu'Angèle. Vous dites, je veux l'homme qui a la Mercedes. Quand lui-même il voit la Mercedes, il veut avoir le Lexus. C'est la convoitise. Il y a la convoitise qui fait la guerre à notre âme. Vous dites, ma maison doit être à un étage. Votre voisin construit trois, vous dites, vous allez à la quatre. Vous dites, mon voisin a eu le doctorat, vous voulez aller au professorat. Après le professorat, vous allez faire quoi d'autre? Vous ne pourrez pas être satisfait parce que les gens ont eu le professorat, ils sont morts dans la convoitise. Mais Jésus-Christ, notre Seigneur, est le chemin. Il est le porteur des fardeaux. Il est celui qui restaure l'âme. C'est pour cela qu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ce papa dont nous voulons inhumer aujourd'hui a dit et témoigné à plusieurs fois en ma personne, ma modeste personne, qu'il a marché en cherchant la satisfaction. Il a trouvé le travail. Je crois que j'ai en face de moi ses anciens collègues. Il a travaillé avec intégrité. D'autres personnes sont dans le chômage, voudraient entrer là-bas. Il est entré, il est sorti. Mais il cherchait toujours ce qui doit le satisfaire. Jusqu'à ce qu'il trouve la paix avec le Seigneur Jésus. Alors, qui que vous soyez, Jésus lance l'appel. Il dit, venez à moi. Il n'a pas dit c'est les juifs. Il n'a pas dit les chrétiens. Il a dit, venez. Si ça vous concerne, allez à Jésus. Si vous avez besoin de la guérison, allez à Jésus. Il est le guérisseur. Si vous avez besoin de la restauration de votre âme, allez à Jésus. Pas à la religion, pas au pasteur. Jésus est le chemin. Jésus-Christ est le chemin. Alors, lorsqu'il vous donne le salut, il a dit et confié dans cette Bible qu'on écrive que heureux donc ceux qui placent en lui sa confiance. Il a dit heureux quiconque meurt en lui. C'est pour ça que ces cantiques dont mes mamans et mes soeurs que je salue dans le Seigneur ont chanté en disant que Jésus ne veut pas la quantité, il veut la qualité. Lorsque nous voyons l'expression, le parfum que nous dégageons de nos vies, est-ce que nous aimons notre prochain? Nous sommes remplis de haine, de colère. Nous ne pouvons pas pardonner parce qu'on nous a fait du mal. Mais Jésus dit, vous devez pardonner comme je vous ai pardonné. Il nous a pardonné alors que nous étions encore des pécheurs. Nous avons fauté devant Dieu et la Bible déclare que l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a porté vos péchés. Ne les retenez plus. Acceptez cela. Acceptez cela. Notre frère, notre papa a fait la paix avec Christ. Donc, les saints l'accueillent déjà. Les saints l'accueillent déjà. Dans la deuxième partie, je vais dire exactement ce qui s'est passé. Avant qu'on ne l'achemine pour que son corps retourne à la poussière. Mais il est dans le glorieux domaine céleste que Christ a préparé pour tous ceux qui l'aiment. Dans Jean chapitre 14, il a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Et quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé, je reviendrai. Je reviendrai. C'est le Seigneur qui a fait la promesse. Vous cherchez. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voudrez-vous y aller, bien-aimé? Voudrez-vous être là où le Seigneur est en train de préparer? Il y a la solution. La solution, c'est la repentance. Il a préparé la voie, préparé son festin. Et tout ce qu'il nous demande à faire, ce n'est pas d'aller jeûner et faire les névins. Il ne nous demande pas d'aller visiter son tombeau en Israël. Parce que les Israéliens eux-mêmes utilisent ça comme moyen pour avoir de l'argent. Jésus n'a pas voulu que la voie du salut soit pour de l'argent. Ça ne s'obtient pas comme ça. La Bible déclare qu'il est miséricordieux pour quiconque l'invoque. Quiconque fera appel à lui ne sera point confus. Il suffit de dire, Seigneur Jésus, je suis fatigué par ces péchés. suis fatigué par cette vie misérable. Souvenez-vous, vous avez été soumis, non de votre gré, à la vanité. Cette vanité, vous pouvez vous remettre au Seigneur Jésus-Christ qui va bientôt racheter notre corps mortel et nous revêtir de l'immortalité. La vie éternelle est possible maintenant à quiconque croit. Dans Jean au chapitre 5, le verset 24, il a dit: en vérité, je vous le dis, quiconque écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Vous pouvez ne pas passer au jugement, mais entrer dans la glorieuse présence du Seigneur Jésus-Christ, où chantent tous les saints, tous les anges du ciel, ce jour merveilleux que nous attendons tous. Vous pouvez faire la paix avec lui ce soir, parce que vous êtes mortel et soumis à la vanité, non de votre gré, dit la Bible. Souvenez-vous, lorsque la mort vient et frappe à votre porte, même si vous arrêtez le pantalon de votre mari, vous signez sur le cabas du pasteur, c'est vous seul qui irez. Lorsqu'on va creuser la terre pour vous y mettre, vous ne sortirez pas les mains. Enfin, vous sortez les mains, les gens vont fuir, vous laisser encore là-bas. Vous ne sortirez pas les mains pour dire: je ne veux pas y entrer, parce que chacun est venu seul dans ce monde. Il partira seul, se présentera seul devant le Seigneur pour rendre des comptes pour son passage sur la terre. Que vous l'admettez ou non, nous et vous allons passer devant le Seigneur. Qu'est-ce qu'on va lui donner comme compte rendu sur la terre? Si nous avons la haine, c'est le moment de pardonner. Car il a dit: pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Il n'y a rien sur la terre que quelqu'un puisse vous faire que vous ne devrez pas pardonner. Parce que Christ nous a pardonné le plus important, le péché. Personne de nous ne pouvait se racheter. Il a dû quitter la gloire pour venir pour donner la solution, afin que nous ayons la paix avec Dieu. Soyez en paix avec Dieu. Soyez réconciliés à Dieu. Qu'il vous bénisse. Je me permets de préciser que quand je regarde tous ces visages, il n'y a plus de Néo parmi nous. Il y a une mutation. Nous sommes Sonel, AES Sonel. Et comme on n'a pas eu le temps de faire la biographie de notre frère, de notre ami, il se trouve qu'en prenant la retraite, si je ne m'abuse, il était agent AES Sonel. C'est juste pour éviter la confusion. Bien, si je prends la parole, c'est avec beaucoup d'émotion. Je suis le doyen d'âge. Il y a beaucoup d'anciens agents de la Sonel, de AES, qui sont là. Ils m'ont fait l'honneur, en tant que le vieux des vieux, de prendre la parole. Mais j'avoue que ce n'est pas un plaisir, parce que normalement, c'est le vieux qui doit partir. Donc, Denis Bissou était mon jeune frère. Quand je vois son âge, je vois le mien, c'est moi qui devais partir. Et il devait venir à Babimbi porter un témoignage. Si je prends la parole ici, c'est parce que j'ai eu la chance de travailler quelques années avec lui. Nous n'avons pas cheminé. Il m'a trouvé, j'étais déjà dans la maison, puisque je suis un ancien de EDC, ensuite Sonel, ensuite AES Sonel. Et ce que je dirais ici, sous la protection d'un de ses chefs de service, M. Ndjok Aimé, qui est à ma gauche, ce n'est que ce que je garde de lui. Et ce que je garde de lui, je suis fier de dire que c'était un homme humble. C'était un homme humble, d'une discrétion, j'allais dire inégalée. Quelqu'un qui ne parlait pratiquement jamais. Je dis quelqu'un qui était extrêmement rigoureux, pour ne pas dire que, sans orgueil, il était fier. C'était un homme fier. Et je comprends pourquoi aujourd'hui, avec un peu de recul. Il a été dans un service où il aurait pu s'enrichir parce que c'était le service achat. Et le service achat, il se négocie beaucoup de choses. Mais Bissou Denis s'est abstenu. Il est resté égal à lui-même. Et je le dis aujourd'hui parce que je suis dans ce village que je découvre que il appartient à cette famille de nobles personnes. Sans avoir sa permission, je citerai M. Bakéhe, qui, à la Sonelle, a été également quelqu'un de très rigoureux, très fier. Lui aussi aurait pu s'enrichir en centaines de millions, parce que c'était à l'époque où beaucoup de gens essayaient d'amasser des choses, détourner l'argent. Mais à chaque fois, il s'est montré au-dessus. Et je dis aujourd'hui que c'est un témoignage, parce que je ne suis pas sûr que je serai encore vivant quand Bakéhe va partir. Je ne parlerai pas de Alain Loé, qui a été mon chef en Ngambé, chef que c'est lui qui m'a amené la lumière. J'ai été maire de Ngambé, c'est toujours la même famille, c'est des gens qui nous ont laissé quelque chose. Mais nous parlons aujourd'hui de Denis Bissou. Je ne peux pas être trop long, mais j'ai dit simplement qu'aujourd'hui, par rapport à ce que le pasteur a dit, je comprends qu'il était destiné vraiment à servir son créateur. Une seule confidence, et une qui m'a faite, quand on s'est revus, nous étions déjà tous retraités, il m'a dit, grand frère, monsieur le maire, je vais t'avouer que la seule chose qui m'a gêné dans ma vie, c'est de savoir qu'il y a une religion qui a pris mes terres. Et ça, ça l'avait affecté énormément. Je ne citerai pas laquelle. Les gens du village peut-être en savent mieux. Mais c'était la seule chose qu'il avait dans le cœur. Enfin, qu'il le... Mais c'était quelqu'un de très introverti. Il vivait en dedans. Il n'exprimait pas toujours ce qu'il pensait. Et je crois qu'également, c'est une qualité. Donc, au moment où on l'accompagne, aujourd'hui, sur la terre de ses ancêtres, avec la permission de mes frères, de mes collègues plus jeunes à ma gauche, et au nom de tous les autres, je dis à Denis Bissou, j'ai pas oublié moi qui est là, qui me regarde, qui était également son collègue, qui a travaillé avec lui pendant longtemps. Je lui dis donc à Denis, écoute, tu as été calme, tu repars dans le calme. Moi, petit Babimbi des montagnes de Ngambé, je suis venu ici pour te dire, va et repose en paix. Merci. Alors, en attendant le tour, fraîchement arrivé en France, venant du Cameroun, pour parfaire lui aussi ses études. Il s'agissait donc de Bissou Denis. Et Nkembe Albert, qui était mon frère, m'apprendra que Bissou Denis est tout simplement l'oncle de sa femme. Donc Bissou Denis devenait de facto mon beau-frère. Et nous avions commencé à nous appeler Ncho. Une transformation du mot Nchi en langue Bakoko. Bissou Denis devient donc membre de l'association et cette association avait pour, entre autres buts, la solidarité entre ses membres. En sorte que quand l'hiver arrivait et que l'un des nôtres n'avait pas de couverture, celui qui en avait deux, eh bien, il en prenait une pour donner à l'autre qui n'en avait pas. Quand quelqu'un n'avait pas de chauffage dans son petit studio, celui qui avait un appareil de chauffage qui ne lui servait pas à grand-chose, il l'envoyait à l'autre qui en avait besoin. Denis Bissou va donc se convertir dans cette religion de solidarité. Nous travaillerons ainsi ensemble pour évacuer au Cameroun un de nos frères qui était à Toulouse, mais qui avait perdu la raison. Et il fallait donc l'envoyer au Cameroun. Mais le nœud, le centre de cette organisation se trouvait à Paris et dans sa région, parce que c'est là que se trouvait notre association. Et Denis sera parmi ceux qui participeront largement à l'évacuation de notre frère qui avait perdu la raison. Nous aurons ensuite un autre de nos frères envoyé en France pour un traitement. Il avait un cancer au genou, mais les médecins avaient tout simplement diagnostiqué une mort certaine. Nous n'avions plus rien à lui apporter, si ce n'était que la chaleur humaine. Avec Denis, avec Jean-Vincent et Singlet, Kadjob Joseph, Yike Olivier et d'autres, il ne se passait pas deux ou trois jours sans que nous ne soyons au chevet de ce petit frère qui était malade. Il est mort entre nos mains. Et là aussi, nous avions essayé de faire le nécessaire pour que son corps vienne au Cameroun. Ce n'est pas nous qui avions fait que le corps vienne. Et les assurances et tout s'en étaient occupées. Mais nous avions quand même participé de beaucoup pour ce transfert du corps. Il y a donc eu ainsi beaucoup de solidarité. La vie d'un étudiant à cette époque, et sans doute aujourd'hui aussi, était très très difficile pour avoir un logement, pour avoir un travail, surtout quand tu es noir. C'est très difficile. Quand Grâce devient enceinte, parce que Denis va nous la présenter en nous disant « Voici ma femme ». Et nous avions pris Grâce comme notre sœur. Quand elle sera enceinte, nous trouverons rapidement que le local qu'ils occupaient deviendrait petit pour tous deux et le bébé. Nous avons donc beaucoup œuvré pour trouver un logement décent à Denis afin que Grâce, en accouchant, puisse vivre dans un milieu décent lui aussi. Nous retenons donc de Denis l'image d'une personne assez effacée, mais une personne d'action. Quelqu'un qui est avec vous, qui travaille avec vous, mais qui ne veut pas que son nom soit devant. Nous n'avons qu'à voir son programme. Denis a fait de très très très bonnes études. Ses collègues et patrons étaient ici tout à l'heure, ils connaissent son CV. La famille pouvait sortir un livre pour marquer le diplôme et tout, et tout, et tout, et tout. Mais vous verrez que dans ce programme, c'est l'effacement total de l'homme. Denis avait un mot, il disait « Mouhalé ». C'est-à-dire qu'il prêchait le pardon. Mais le pardon dans son sens le plus profond, pardon, c'est tout simplement la composition de deux mots latins. Il y a d'abord le mot « perfectu » et le mot « domu ». Ce sont ces deux mots qui font pardon. « Perfectu », ça veut dire « ce qui va vers la perfection ». Ce qui va vers la perfection. Et domu, ça veut dire le don. Un don parfait. Quand je dis je te pardonne, cela voudrait dire que c'est un don parfait que je vous remets pour effacer ce qui entre nous pouvait apporter la mésentente. Perfectu domu. C'était ça, Denis. Et la perfection ne peut se faire que dans un effacement total qui est l'humilité, être humble. Mon prédécesseur a parlé tout à l'heure de ses qualités de Denis, un homme très humble. En sorte que Denis ne s'affichait pas. Denis, ici même, il ne vivait pas en reclus, mais il vivait comme des moines indiens qui sont perchés dans des montagnes d'Himalaya, là-bas, où ils ne veulent pas se mêler à ce que nous appelons la civilisation pour ne pas se laisser corrompre par le péché. Quand Denis me dit que Grâce est malade et elle était à Yaoundé, elle est rentrée, je suis venu avec mon épouse leur rendre visite. Et Denis nous a montré un coin de son salon. Il nous a dit que c'est là qu'il parlait avec Dieu. C'est là qu'il apprenait la parole de Dieu. C'est là qu'il rencontrait Dieu. Il me dit, Ancho, un retraité comme moi, qu'est-ce que j'ai encore à faire? Sinon me rapprocher de Dieu, afin d'être avec lui le moment venu. Sa femme qui est là, elle était présente. Elle sait que ce que je dis est exact. Voilà donc Denis qui se retire du monde pour essayer de rencontrer Dieu et dans un effacement total. Socrate a dit ceci. Quand la loi a parlé, les orateurs se taisent. La loi, c'est Dieu. Dieu nous a pris Denis pour l'amener avec lui. Qu'est-ce que nous pouvons faire sinon nous taire? Mais Dieu avait prévenu, la mort viendra comme un voleur. Nul ne sait ni le jour, ni l'heure. Et Denis est parti ainsi. Entre les siens, parmi les siens, avec les siens. Ils sont là, ils causent de très bonnes choses pour faire la paix, pour donner la paix. Essayer de mettre dans le cœur des uns et des autres cette fameuse paix qui ne peut être totale que s'il y a l'humilité. Et c'est en regardant la maison que Dieu lui dira, ton heure a sonné. À partir de maintenant, quitte la terre des hommes, mais viens avec moi. La nouvelle nous arrivera comme un cimetière qu'on nous plante dans le dos. Quelque chose d'inacceptable, d'incroyable. Beaucoup sont accourus ici parce qu'ils ont entendu que Denis qui a beaucoup souffert de tant de maladies, mais qui montrait quand même qu'il était bien, que ça allait bien, et bien, Denis venait d'être foudroyé par la mort. Je pouvais aussi parler en latin, mais la formule, je la donnerai en français. C'est tout simplement le psalmiste qui dit que Jésus, tu es venu sur terre pour nous et tu es mort pour nous. Ne m'oublie pas en ce jour-là, le dernier jour, le jour où tout le monde sera rassemblé pour entendre la dernière sentence de Dieu. Donc, Denise, nous avons passé de très très bons moments ensemble, là-bas chez les Blancs, dans beaucoup de difficultés, mais on s'en est sorti. Nous avons passé de bons moments ici, au Cameroun, où je suis d'abord parti te voir à Omé, avec grâce, là où tu travaillais, à l'époque Sonel. Et puis, tu es venu à Douala, retrouver tes patrons qui sont là, dont celui qui parlait là est un de mes beaux-frères, un de mes beaux-pères. Donc, tu as passé de bons moments sur terre. C'est Dieu qui sait pourquoi, en ce moment, il a voulu que tu partes. Mais Dieu donne toujours la compensation quand il pose un acte. La famille ne sait pas ce qu'elle va gagner à travers ton départ précipité. Et c'est dans tout cela que nous devons mettre notre espérance en un Dieu très bon. Va en paix, va retrouver tes aïeux. Et que la terre de nos aïeux, qu'elle te soit suffisamment légère, afin que grâce que tu laisses, puisse avoir suffisamment de force pour devenir aujourd'hui le Sangamétane et en même temps la Nyangamétane qu'elle a toujours été. Va en paix, je vous remercie. Oui. Cette étape que nous allons amorcer, c'est la dernière. Donc, je vais inviter... Pour la suite du programme, nous allons redemander au pasteur de s'inviter à cet endroit. Alors, le programme qui va suivre, nous allons passer à l'inhumation. Vous restez sur place. Vous autres, vous restez sur place. Et il y aura une répartition qui est celle-ci. La famille... Quand j'entends la famille du défunt, les beaux-frères, Ndokobe vont rester sur place. Les frères vont rester sur place. Maintenant, les amis vont se déporter au centre Krumnak à l'évêché, en face. Alors, donc, maintenant, le pasteur, je crois que dans le cérémonial de votre église, vous avez encore quelque chose à refaire. Je vous passe la parole. Bonjour une fois de plus. Et que Dieu vous bénisse. Je souhaiterais que nous fassions une chose. Que vous vous tournez vers quelqu'un, vous lui dites que la paix de Christ abonde dans votre cœur, à gauche et à droite. Parce que Christ est notre Père. Faisons-le avec notre voisin, avant que j'avance. Dites-lui tout simplement que la paix de Christ abonde dans votre cœur. Dites à quelqu'un devant toi, à côté de toi. Même si votre cœur refuse, tournez-vous avec votre corps. Même si votre cœur refuse, tournez avec votre corps. Dites que la paix de Christ, même si c'est ton ennemi qui est à côté, dites-lui que la paix de Christ abonde dans ton cœur. Voilà, que Dieu vous bénisse. Le Seigneur Jésus est notre paix. La Bible déclare qu'il est venu annoncer la paix à ceux qui étaient loin et la paix à ceux qui étaient proches. Toute chose qui a été créée a un commencement et une fin. Notre Père a un commencement comme nous autres. Il est né, il est mort, c'est la fin. Il était à la morgue, c'était le commencement. Maintenant, c'est l'inhumation, c'est la fin. Mais ça, c'est la fin de tout ce qui s'est fait sous le soleil pour lui. Vous allez me permettre de raconter maintenant en réalité ce qui s'est passé. Je veux toute votre attention. Je le dis pour quelques minutes devant les anges, devant le Dieu Tout-Puissant qui va nous juger nous tous. Je vous le dis maintenant dans sa présence. Afin que si vous aviez quelque chose à retenir, si vous le pouvez, vous retenez cela comme étant vérité venant de lui. Toute votre attention s'il vous plaît. Je vous ai promis qu'à la fin, je viendrai ici et vous dire ce qui s'est passé. Le papa qui est couché aimait tellement Dieu au point où ça me dérangeait. Il aimait tellement Dieu au point où ça me dérangeait. Voici le pourquoi ça me dérangeait. C'est que je le voyais âgé. Je l'appelais papa, il m'appelait toujours. Sans exception, mon frère. Ça me dérangeait. Que quelqu'un de son âge, quand je l'appelle papa, il me dit mon frère, et il aimait trop me serrer dans ses bras. Maintenant, je comprends qu'il respectait le commandement du Seigneur Jésus-Christ qui dit vous êtes tous frères. Que vous soyez vieux ou jeune, lorsque vous êtes en Christ, nous sommes tous frères. Et il aimait tellement cette connotation de frère parce que c'est ça qui nous liait dans l'esprit. Alors, la fin de février de cette année, j'étais au Congo-Brazzaville, à Pointe-Noire, pour prêcher. Et subitement, le Seigneur m'a donné une vision concernant cette maison. J'ai appelé mon épouse ici au Cameroun. Je lui ai dit, appelle à Edea et demande ce qui se passe là-bas. Elle m'a dit, Henriette, parce qu'il y a un jeune garçon dans cette maison, Jeannot. Elle m'a dit, Henriette, Jeannot l'a appelé et lui dit qu'il y a un souci de santé. J'ai dit, moi-même, j'ai appelé le papa. J'ai dit, pourquoi vous avez des problèmes? Vous ne me dites pas. Et il faut que c'est Dieu qui me révèle qu'il y a une situation ici au point où je dois appeler même étant hors du pays. Et là, je retourne au pays le vendredi 3. Je crois le vendredi 3. Je suis à la maison. Je les appelle. Je dis, je suis venu. Samedi matin, il appelle. C'est mon épouse qui décroche. Il était en détresse. Apparemment. Il était dans une salle, je crois que c'est la salle des eaux. Il est tombé. Mais avant, ce n'est pas le fait qu'il soit tombé ou bien ce qu'il a attaqué qui est le vrai problème. c'est ce qu'il a dit de sa bouche avec Dieu. Il connaissait les saintes écritures. Il avait la foi dans le salut qu'il a obtenu du Seigneur Jésus. Et il a demandé au Seigneur, voici ses paroles. Il a dit, Seigneur, je veux que tu me châties. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, Seigneur, ça fait longtemps que tu ne m'as pas châtié. Je veux que tu me châties afin que je sache que je suis ton fils. C'est ce que celui qui est couché a dit à Dieu. Il a fait cette prière-là avec son épouse dans la soirée. Le matin, quand il se lève du lit, quelque chose l'a frappé effectivement. Et d'après ce qu'il m'a dit, il a dit, son pied ne parvenait plus à se déplacer. C'était plus lourd que, l'arbre. Il ne pouvait pas se déplacer. Son épouse étant dehors, je crois que c'était en matinée, je ne sais pas si c'est le soir, il est tombé dans cette salle-là. Il a, pris le téléphone et il a appelé, espérant m'avoir. C'est mon épouse qui a décroché. Et malgré mes multiples occupations, et il a appelé à un moment donné, nous étions à genoux, au pied de notre lit pour prier. En fait, la première fois, je suis en train d'aller dans les confidences afin que vous sachiez qui il est. Malgré les témoignages physiques que nous avons de lui, c'était un homme bon. Mais il y a plus que cela, Dieu l'a aimé avant la fondation du monde. Et là, lorsqu'on s'est connu pour la première fois, le Saint-Esprit m'a dit d'avancer vers lui et de lui dire deux choses. Et je lui ai dit. Je lui ai dit ceci, mon épouse peut témoigner, le Saint-Esprit est vivant. Je lui ai dit, ta faim approche, mets de l'ordre dans ta maison. Ta faim approche, mets de l'ordre dans ta maison. Et la deuxième chose que je lui ai dit, dans tes prières, parce que Dieu m'avait révélé cela, dans tes prières, il n'y a qu'une seule chose que tu demandes à Dieu depuis. Tu voudrais quitter ce monde, c'est en voyant tes enfants réconciliés avec Dieu. Il a baissé la tête. Lui et moi, nous étions prosternés là où j'ai pris chaque fois au chevet de mon lit. Il m'a dit, effectivement, c'est ça qu'il demande à Dieu. Et puis, c'est sorti de cette bouche, Dieu te l'accorde. Va et mets de l'ordre dans ta maison. C'est pour cela qu'à l'issue de cette inhumation, je vais me recueillir avec ses enfants et son épouse pour lui donner pour leur donner la pensée de Dieu pour la suite de la famille. Alors c'est ça qui a meublé son temps. Lorsque je suis rentré dans le Congo et que cet appel a eu lieu, j'ai dit à mon épouse que c'est le moment. Alors il a appelé au téléphone criant comme un enfant parce que la douleur était extrêmement atroce. J'ai demandé à mon épouse de me passer le téléphone. Elle a passé le téléphone. J'ai demandé premièrement où est son épouse. Il m'a dit, parce qu'il criait au téléphone, j'ai dit, je veux ton épouse. Son épouse étant handicapée, était quelque part dans la cour. Il a crié avec le reste de l'énergie qui lui restait. Son épouse est venue. J'ai dit, c'est toi que je veux. Parce que je suis à Douala, je ne peux pas être là pour le moment. C'est toi que je veux. Je lui ai demandé, est-ce que vous avez l'huile, n'importe quelle huile à la maison? Elle a dit oui. Elle est allée chercher l'huile. J'ai dit, oint sur son pied et met le téléphone sur haut-parleur. Elle a mis le téléphone sur haut-parleur. J'ai dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi, esprit qui a frappé son corps, je t'ordonne de quitter de lui. Puis je lui ai dit sur haut-parleur, son épouse est là, c'est sous sa direction que je suis en train de dire ceci, je pourrais garder ceci pour moi. Mais c'est que nous sachions ce que Dieu fait dans des vies. Alors lorsque j'ai dit cela sur haut-parleur, parce que son épouse écoutait, je lui ai dit, mon frère, elle a dit oui. Il dit, tu me connais? J'ai dit oui. Je suis qui? Il dit, tu es serviteur de Dieu. Il dit, tu crois ce que je sais sortir de cette bouche? Il a dit oui. Souvenez-vous de ce qui est arrivé avec son pied. J'ai dit, je te commande au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche vers le salon. Celui qui rampait dans la douche s'est levé. Il s'est levé. Il a marché jusqu'au salon s'asseoir. Instantanément au nom du Seigneur Jésus. Son épouse est là et tous ceux à qui il a raconté savent que c'est la vérité. Parce que Jésus-Christ est vivant. Ça, c'est au téléphone. Maintenant, lorsque c'est arrivé, j'ai dit, papa, où es-tu? Il dit, je suis au salon, comme tu as dit. Il a marché au salon. Son épouse était abasourdie. Pour quelqu'un qui criait, il rampait, il s'est tiré au sol comme ça. Il ne pouvait pas bouger. Il a marché. En fait, j'ai dit à mon épouse, démarrons la voiture. On a quitté Douala sans leur dire qu'on arrivait. La prochaine fois que nous avons appelé, j'avais garé devant la barrière. J'ai dit, papa, ça va? Il dit, ça va. Tu crois que la parole qui sort de ta bouche est vaine? Je suis vraiment debout. J'ai dit, ok, je suis devant la barrière. Il est sorti. Il est venu nous ouvrir la barrière. Nous sommes entrés. Nous étions quatre. Lui, son épouse, mon épouse, elle s'appelle aussi Grâce. Donc il y avait deux grâces dans la maison. J'étais assis à l'extrémité d'une table. Je vous le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ afin que vous reteniez ceci. J'étais à l'extrémité d'une table. Il était à l'autre bout de la table. Nos deux épouses étaient face à face. Nous étions face à face. Face à face avec nos destinées. C'est pour cela au sorti d'ici, je vais louer le Dieu du ciel. Parce que je l'accompagne maintenant. Parce que lui, il a été désigné comme personne qui va m'accueillir quand nous entrerons là-bas. C'est ce que j'ai vu dans la vision. C'est ce que j'ai vu là-bas. Je parle, son épouse m'écoute à la maison. Je me suis tenu devant cette table-là. J'ai vu le ciel ouvert à ma droite. Et j'ai vu les anges classés comme les militaires. Vous savez quand les gens placent au tournoi. Je vous raconte, le Dieu du ciel est vivant. C'est dans cette maison que ça s'est passé. Je l'ai vu entrer sous l'applaudissement des anges. Ce n'est pas le rêve. C'est ce que j'ai vu dans cette maison. Je lui ai dit, et je croyais que j'avais fait l'erreur la façon dont j'avais parlé. J'ai dit, et son épouse a écouté. J'ai dit, c'est quand je rentrais à Douala que j'ai dit à mon épouse que j'espère que je n'ai pas gaffé dans le ministère. Mon épouse me dit, c'est quoi? J'ai dit, j'ai annoncé sa mort, mais j'espère qu'il n'a pas compris ce que je disais. J'étais en train de croire que je pensais que j'ai dit ce qui n'était pas bon. Son épouse est là. J'ai dit, papa, lorsque tu vas entrer, je vois l'applaudissement. Son épouse est là. Elle a entendu. Puis on est parti. Et puis le lendemain, son épouse et lui étaient en train de se promener. Je crois qu'il y avait une visite. Elle est passée par derrière. Et il était en train de vouloir fermer la porte. Et il est tombé. Et il a expiré. Donc c'est pour dire que c'est la suite des événements que Dieu a destiné lui-même pour pouvoir l'appeler à lui. Et personne ne peut empêcher cela. Mais la Bible déclare que la mort et le séjour des morts seront jetés dans l'étang ardent de feu. Et tous ceux qui sont morts et dans la mort et dans le séjour des morts ressusciteront chacun son livre. Donc nous prions que nous ayons du respect pour la vie de cet homme, ce grand homme. Que Dieu vous bénisse alors que vous êtes venu dans l'amour pour l'accompagner. C'est la preuve de l'amour que vous avez porté pour lui. Que le Dieu qui vous a ramené ici vous ramène encore à la maison dans la paix et dans la sérénité. Et que son nom soit glorifié dans chacune de notre vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Merci. Oui. Ceux qui aimeraient faire un dernier tour dans la maison, on vous laisse le faire. S'il vous plaît.